êtes assis. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin sera notre gage d'intérêt dans le bulletin Gartin et Frédéric Bernard Gageois qui pourra trouver la réponse à ses questions dans Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à l'Assemblage Reiki en ce mercredi 3 février 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est à 84 jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016 et c'est les paroles de Vanessa Parietta chantées par Tania et moi sur une musique de Ludwig Göransson qui débute l'émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, Tania, on pensait qu'elle allait faire encore chaud comme hier. Oui. Mais non. Mais non, hein. Grosse surprise, moi hier soir, j'ai regardé la météo. Ça disait qu'il allait faire beau, soleil et 4 degrés, je pense. Ouais, exact. Je me suis levée ce matin et j'ai vu un article comme quoi toutes les écoles étaient fermées. J'ai pas nié de quoi en sortant de chez nous. Je pense qu'on n'a pas encore vu de journée cet hiver où il y avait autant de neige. Non, je pense que c'est vraiment la vraie première bordée. Ouais. C'était terrible s'en venir ici. Incroyable. On voyait absolument rien. J'ai pris l'autobus, mais étrangement, je suis arrivé à l'avance aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Peut-être qu'il est en retard de 29 minutes sur la précédente ronde. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bref, bienvenue à Assemblage Reiki. Aujourd'hui, dans l'émission à 8h, Sébastien F. Gartin, sa chronique bulletin Gartin. On parle d'actualité à l'international, au national, au provincial, peu importe. Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe lui parcourent Internet en posant une question la plus absurde possible et essaie. Il tente de trouver une réponse. Oh! Mm-hmm. Dans Tania is gonna entertain, qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, je vais vous révéler des secrets. Ah! Oh! Je vous dis pas lesquels, mais... Tu me souviens ça à l'oreille? Ouais, je vous lance ça comme ça. Ça tombe bien que je me suis tellement pas fait couper les cheveux depuis un bout que j'ai des cheveux par-dessus les oreilles, ça me fait bizarre. Fait que je sais pas s'il va falloir que tu parles plus fort. Peut-être. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Une belle petite portion de journée de 2 heures qu'on va faire ensemble. Mais commençons en musique avec une pièce de Lucid Afterlife. Oui. Super bonne pièce en anglophone sur le palmarès. Qui devrait nous réveiller pas pire. Ouais, voici Eo. C'est ben accrocheur. À Assemblage Reiki. Lesson of a lifetime. Time management. Finally, that final exam is handed in. Hourglass flipping. The lessons branded in the final note played on the mandolin. Body returns, I guess, a quest forever burn, unless within the urn. Earn wages by our work, never wait for a turn. The wheel, fortune tuned for the show, and hold what you learn. Throw it in the pan, yeah, till you understand the point of the circle. Drop the dress rehearsal. Shakespeare's dead, but I'm born again. Just another scowl out of rope until I reach perfection. Ayo, ayo, ayo, said you gotta let it fly away. Ayo, ayo, ayo, weren't meant to see another day. Hey, yeah. When's the last time you just stopped, felt, took a look around, and asked yourself, what are we doing here? What's life about? And what happens when we die? Why ask me where my path is? Imagine where blackness has been a casket beneath the planet or mattress. If you could handle it, plan to get where we're going. Overflowing river Styx, I ride the Sphinx to Osiris. The mileage isn't worth the risk. You can greet me at the pathway or sleep and meet me halfway. Tickets can be as cheap as you want them to be. Practically free, believe in the spirits that you learn to see. Beneath all the fear, just learn to breathe. It's only as easy as you let it be. Now sleep, release all of your energy and come with me. Fly away, fly away, just fly away, fly away. pièce AO de Lucid Afterlife à Assemblage Rocky. Maintenant, c'est Tania qui vous divertira. Hein? Ce serait la traduction littérale de Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. Salut Tania. Comment ça va? Ça va bien! Oui! Hey! Oui. Milieu de semaine! Milieu de semaine, difficile. Oui. Je trouve que le mercredi est une période de la semaine très difficile. Absolument. Comme dirait Danny Janvier, le nombril de la semaine. Oui, le nombril de la semaine est très difficile, je trouve. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais écoute, je suis tombée pas plus tard qu'hier, si je me souviens bien, hier matin, je faisais le tour des sites de nouvelles. Oui. Et je suis tombée sur un site de nouvelles insolites. Okay. Là, je me suis dit, ah, ça pourrait fitter dans l'émission Le Dîner de Con. Ben oui, mais je me suis quand même dit que 19 secrets, c'était beaucoup. Alors, pourquoi pas le faire dans l'émission du matin? Je vais vous dévoiler, mesdames et messieurs, les 19 secrets d'IKEA que les employés ne dévoileront jamais. OK. Parce que tout le monde aime IKEA. On peut pas dire le contraire. C'est vrai. Qui aime pas aller au IKEA? La petite boule de viande. Et passer comme 3 heures là-bas à faire le tour. À suivre une ligne directrice. Oui. Pour pas te perdre. Ben, tu parles de ligne directrice et c'est mon premier point. Ah, voilà. Mon premier point. J'ai même pas vu ta liste en plus. Je sais. C'est fou. C'est comme si on faisait de la télépathie. Eh bien, sachez que le chemin qu'il faut suivre, bien évidemment, comme tu viens de le dire, chez IKEA a un nom. Ah oui? Oui. Nous, on ne le sait pas, bien évidemment, parce qu'on n'est pas tout le temps à l'intérieur du IKEA. Par contre, les employés appellent ça le « long natural way », qu'on peut traduire par en français « le long sentier naturel ». Oui, oui. Parce que, bien évidemment, il est là pour que, justement, les gens voient vraiment toutes les sections du IKEA sans vraiment devoir passer par ailleurs et se perdre, bien évidemment. Et vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi c'est si facile de se perdre au IKEA. J'y arrive. Ouais. Sachez qu'il y a des raccourcis secrets un peu partout dans les IKEA. Ah ouais, comme dans Mario. Oui, comme dans Mario. Une sortie de tableau secret. Bien, en fait, si vous avez besoin de vous rendre vraiment rapidement à une section précise sans avoir à emprunter le fameux chemin super long indiqué de flèches qui parfois porte à confusion. Oui. Avouons-le. Et les gens vont à contre-sens. Les gens vont à contre-sens. Ouais. Les gens ne suivent pas très bien les instructions au IKEA. Eh bien, sachez qu'il y a des portes non indiqué, qui existe dans les IKEA, que si jamais vous décidez d'ouvrir la porte, ça se peut que vous arriviez sur un raccourci secret du fameux chemin. Ben, voyons donc, hein. Ouais. Des portes? Des portes. Ben, j'ai jamais vu ça. Eh bien, oui. Il y a des portes disposées à plusieurs endroits dans le magasin, mais elles sont jamais indiquées. C'est fait pour les employés, j'imagine. Ben, en théorie, c'est fait pour les employés, mais si vous tombez dessus, vous pouvez prendre le raccourci secret. Tu veux dire, mettons, on monte une pièce prémontée, une cuisine, peu importe, il y a une porte, elle n'a pas l'air d'être une vraie porte, mais tu peux passer dans cette porte-là, puis c'est un raccourci vers une autre place. Exactement. Mais ça, c'est génial. C'est très génial. Je vais l'essayer. Voyons donc. Par contre, le point numéro 3, ne prenez pas les raccourcis pour acquis. Parce que si vous êtes parvenu à découvrir un des raccourcis dans le IKEA, bien évidemment, ceux-ci pourraient soudainement disparaître. Ah, parce qu'ils changent de place des fois quand ils refont la cuisine. Ben oui, évidemment, parce que ça change constamment afin d'éviter aux clients les plus habitués de passer tout le temps par ces chemins-là. Parce qu'ils s'étaient rendu compte, en fait, qu'il y a plusieurs personnes qui vont... Je pense qu'il y a des gens qui vont au IKEA à tous les jours, là, c'est sûr. Sûrement, ben, pour manger, tu sais. Ben, probablement. Puis, ils se sont rendu compte que certaines personnes utilisaient tout le temps les mêmes portes. Mm-hmm. Et c'est là qu'ils ont réalisé que, oui, les portes qui étaient, en fait, destinées aux employés, les clients les utilisaient. Ouais. Donc, ces portes-là sont parfois changées de place. OK. Pour que les clients habituels ne puissent pas les prendre tout le temps. OK, puis là, je suis allé sur Google Images parce que ça me fascine, cette histoire-là, pour voir si les portes avaient l'air de quelque chose. Il n'y a pas de photo des portes. Je me demande s'il n'y a pas des portes d'armoire, genre que tu peux rentrer dans l'armoire. Je sais pas. Hein? J'ai vu un petit plan de plancher d'IKEA, puis bon, les flèches, tu sais, mettons, le chemin fait haut, bas, à travers les rangées. Et dans les milieux, tu as un petit minuscule trou dans la carte, et probablement que c'est là que la porte est située. Sûrement. C'est comme un secret. Moi, c'est des affaires que j'aime sur Internet, c'est de voir des artefacts du passé. Ouais. Tu sais, mettons des trucs dans des maisons qui sont là, mais tu sais pas pourquoi, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un peu ça, je trouve. C'est vrai, Des artefacts secret. Ah, tu viens de piquer ma curiosité. Ah, ben c'est tant mieux, ouais. J'aime ça comme ça. Le point numéro 4, sachez que les murs du IKEA bougent. Okay. Ben là, c'est sûr qu'on le sait parce qu'évidemment, ils changent souvent les pièces. Ouais. Par contre, les murs intérieurs d'un IKEA sont vraiment conçus pour être déplacés facilement. Donc, le soir venu, lorsque c'est la fermeture du IKEA, les employés font simplement tourner les murs pour se rendre plus facilement aux poubelles. Ah, ben oui, OK, je comprends. Il y a une petite rotation du mur, puis ça crée un autre genre de raccourci. En fait, ils bougent tous les murs dans le même sens, okay. Puis ça fait des longs chemins pour se rendre aux poubelles. C'est donc le fun, ça. C'est fou, hein? Oui. C'est bien évidemment, ça permet aussi de créer des nouveaux rayons, des dispositions. Ouais, un grand aussi, salon pourrait devenir une petite salle c'est de bain. Ça, ouais. Exactement. Il y a des gens qui achètent des pièces au complet chez IKEA. Oui. Vous savez, c'est ça, ces fameux petites maisons modèles qui sont là, qu'on aime tant regarder, en fait. Je ben pense parce que qu'on sait qu'ils ont du goût. Ben c'est ça. Ouais. Mais il y a des gens qui n'aiment pas se compliquer la vie. Et ça, c'est des employés qui l'ont dit bien souvent. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au IKEA qui aiment une pièce et qui disent « je prends tout dans la pièce ». Ça coûte le total. That's it. Ouais. C'est, hein? Ben, les gens-là aiment pas trop se casser la tête. J'approuve, sauf peut-être des certaines affaires. Mettons une chaise de bureau, c'est pas confortable chez IKEA, ça fait que ça prend ailleurs. Mais ça dépend lesquels. Ouais. Moi, je dirais que d'acheter une pièce complète, c'est difficile parce qu'il faut vraiment magasiner au IKEA pour savoir ce que l'on aime versus ce qu'on n'aime pas, mais bon. Tout à fait. Il y a des gens qui sont plus... Ben, qui ont moins l'œil pour ça, fait que tu te fies c'est sur quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. On dira pas paresse. La section numéro 6 des fameux 19 secrets d'IKEA, c'est qu'il y a une section « Ouvre ton portefeuille ». Les trucs coûtent cher. Non. Non. En fait, c'est des trucs qui ne coûtent pas cher. Mais t'en prends plein. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, IKEA a pensé à vous en aménageant vraiment une section où il y a des items peu dispendieux qui y sont disposés. Et même si vous n'avez pas besoin de ces produits-là, bien, il est fort probable que vous allez vous laisser tenter puis que vous allez partir avec quelque chose. Ouais. Mais elles ne sont pas nécessairement indiquées. Là, en théorie, je pense d'ailleurs aux chandelles. C'est sûr que c'est une section « Ouvre ton portefeuille ». Les petits crayons de bois, là. Ah ben oui, c'est ça. Hey, parce que tu les charges quand tu pars avec à la caisse puis tu le sais pas. Le point numéro 7... C'est le boula-boula. Le boula-boula. Le boula-boula. C'est pas les boulettes de viande, ça? Non. Non, malheureusement. Je les appelle comme ça les boula-boula. C'est ce qu'on appelle, en fait, la répartition de certains compartiments qui sont vraiment remplis d'items à rabais. Mm-hmm. Et, en fait, ça crée une impression chez les clients qu'il y a vraiment beaucoup de compartiments en abondance d'items en rabais et que ça va vous donner vraiment une immense occasion d'économiser. Fait que là, les gens prennent vraiment beaucoup le temps de fouiller là-dedans. Par contre, ce qu'ils ne se rendent pas vraiment compte, c'est que ce sont les mêmes produits dans chaque compartiment. Ah, OK. Bon. Donc, en théorie, ils pensent qu'il y a vraiment beaucoup d'économies à faire, mais... Détrompez-vous. Ouais, c'est ça. C'est la même chose dans toutes les petites, dans toutes les petits bols, là. Alors, de ce côté-là, le client va vraiment fouiller dans le compartiment, va être beaucoup plus tenté d'acheter un article en sachant pas nécessairement que s'il avait continué trois pas, il aurait probablement tombé dessus. Mm-hmm. Vous pouvez faire une sieste au IKEA, hein? Sachez-le, sur les meubles du IKEA. Pour vrai? Oui, les meubles en magasin sont vraiment faits pour être testés et touchés. Donc, par exemple, si vous avez bel et bien besoin d'un lit, vous pouvez vous asseoir sur le lit, vous pouvez vous coucher sur le lit, vous pouvez faire une sieste sur le lit. Par contre, si vous vous endormez sur un lit, on va vous réveiller après 2 ou 3 heures. OK, je pensais dire vous l'achetez. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement pas beaucoup de gens qui réalisent qu'il y a simplement une personne qui s'est assise ou couchée sur le lit, que ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'on vienne vous réveiller. Mais le cynique en moi, là, dirait, est-ce que tu penses que les meubles des présentoirs sont faits pour être plus confortables que ceux qui te vendent pour vrai? Oh, mettons, le lit, là, il rembourse plus parce que ça va être un modèle dans le magasin. C'est cynique c'est de dire ça. C'est une bonne question. Mais c'est un passé du bien. Ouais, c'est vrai. T'sais? C'est... Ouais. Moi, j'y avais pas pensé. Non, je sais, mais ça, c'est le cynique en moi. Mais par contre, vous allez pas le faire. Ça, c'est le point numéro 9. C'est le secret numéro 9. OK, vous n'allez pas vous endormir sur le lit. Vous n'allez pas faire une sieste sur les meubles. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? Là, j'entends les gens « Oui! » Les microbes des autres. Mais en fait, certains employés ont vraiment dit aux gens que les oreillers qui sont disposés sur les lits sont pas changés avant Ever. Un mois. Ah, un mois, qui se rend pas si mal. Et les têtes d'oreiller, en fait, sont changées juste si elles ont l'air sales. Arc, ouais, non. Moi, en tout cas, c'est sûr que non, j'irai jamais me coucher sur... C'est ça. Hey, non, mais j'ai de la misère à prendre, mettons, je sais pas, quelqu'un me passerait, je sais pas, un chapeau ou n'importe quoi. Je sais pas si l'on pourrait être à quelqu'un d'autre, j'aurais peur d'avoir des poux. Donc non, dans non, un lit d'IKEA, non. Non. M'asseoir sur le lit pour vraiment tester... Oui. De ce côté-là, ça serait pas pire. C'est ça. Mais non, je ne poserai pas sur ma la tête non. sur la tête d'oreiller du IKEA. Non, merci, c'est beau, c'est correct, on passe à une autre balle. Le point numéro 10, sachez que les employés du IKEA espèrent vraiment que vous arrêtiez d'ouvrir les boîtes. Okay. Mais oui, c'est parce qu'en fait, tous les produits sont en présentoir et vous pouvez très bien les voir, les toucher, et les clients continuent quand même d'ouvrir les boîtes. C'est plate. Quand tu arrives dans les sections en bas, là, la fameuse section au IKEA où il faut que tu ailles chercher tout ton stock, eh bien, IKEA aimerait vraiment que les gens arrêtent de faire ça parce que dès qu'il y a une boîte qui est ouverte, le produit ne peut plus être vendu. Ben non, parce qu'il est plus neuf en tant que tel. Ben c'est ça. Donc, eux doivent le mettre dans la fameuse section dont je vous ai parlé. De produits en liquidation. C'est vraiment dommage. Peut-être que s'ils fermaient mieux leur boîte. Je sais pas. Peut-être plus de tape. Ben, en théorie, si tu prends pas les raccourcis, si tu suis vraiment le chemin, tu l'as vu à quelque part, ton item. Ça. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu ouvres la boîte? Peut-être que tu l'as pas... Fie-toi à la petite image. Je suis d'accord. Tu sais, c'est vraiment bien indiqué, en plus, chez IKEA, là. Ouais. Si t'as besoin juste d'une pâte de table, ça va être écrit « pâte de table », puis sa boîte, ça va être marqué « noir ou blanc ». Ouais. T'sais? Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on a tellement vu d'autres magasins moins professionnels que IKEA que peut-être que c'était pas la bonne affaire d'en boire, tu manquais un morceau. Mais tu sais, les gens sont un petit peu réticents à partir avec une boîte sans l'ouvrir. C'est dommage. T'as raison. Ouais. Est-ce que t'as déjà été au IKEA et t'as trouvé les employés bêtes? J'ai rarement croisé tant d'employés que ça. Ben ça doit être parce qu'en fait, les employés sont même pas formés pour vous offrir de l'aide es-tu lorsque sérieux? Vous magasinez. Ben voyons donc. Oui. Puis tu vas me dire après ça qu'ils parlent juste allemand, c'est quoi? Mais non, mais c'est parce que si jamais vous êtes genre à attendre qu'on vous propose de l'aide au IKEA, ben sachez que vous devez changer de stratégie. C'est ça. Parce que les employés doivent respecter le mot d'ordre comme quoi que ce sont les clients qui doivent venir voir les employés si jamais ils ont besoin d'aide. J'apprécie ça, moi. J'apprécie vraiment ça. Ouais. Si j'ai besoin d'aide, je vais le demander. Tu sais, il y a des gens, il y a vraiment des gens souvent qui sont comme « Ouais, OK, mais il n'y a pas personne autour. » Ouais, mais est-ce que tu as vu la surface, premièrement, du magasin? Ouais. C'est assez difficile de savoir qu'il y a une madame dans les salles de bain qui a besoin d'aide. Et c'est vraiment axé sur l'offre et la demande. Donc, si vous avez besoin d'aide, allez voir l'employé. Mais ça coûte moins cher. Donc, peut-être que... Ben, ça doit faire moins juste... avoir de... Il donne moins de formation. C'est ça. De ce côté-là, il sauve de l'argent. Et voilà. Les livres sur les présentoirs proviennent généralement de bibliothèques des employés. Et c'est de vrais livres, donc? Des vrais livres, donc. Il y a beaucoup aussi de meubles qui sont utilisés... Ben, pas de meubles, mais d'accessoires qui sont utilisés dans les fausses maisons qui viennent des employés aussi. Donc, il y a des présentoirs avec des étagères vides. C'est assez triste à regarder, puis ça donne pas vraiment un bel œil si jamais vous voulez vous donner une idée de ce que ça donnerait dans votre propre maison. Mm-hmm. Alors, vraiment, c'est pourquoi les employés sont invités à apporter leurs propres livres afin de pouvoir remplir les étagères dans les faux salons. J'aurais pensé que ça aurait été du carton, tu sais, avec juste le rebord des livres. C'est vrai, hein? Ouais. Mais non, malheureusement. Parce que, en fait, généralement, on porte particulièrement attention aux agencements de couleurs, tout ça. Fait qu'on voulait s'assurer qu'il y a des livres qui sont pas à caractère raciste, pornographique, puis tout ça. Donc, il y a vraiment un tri de ce côté-là qui est fait avant d'être mis dans les étagères. Ah ben, ça me fait encore plus penser que ça aurait pu être... soit des faux livres ou bien des livres qui ont été choisis pour être dans tous les IKEA du monde. Mais c'est bon que ce soit sur les employés, c'est cool. Mais j'avoue. Ouais. Le point numéro 13, les items les plus populaires sont la petite bibliothèque Billy ainsi que la table LAC. Ce sont vraiment de petits items. Là. Des classiques. Mmh. C'est quelque chose qui va tout en bien dans un appartement, qui se place bien. Donc, évidemment, c'est ce qui se vend le plus. C'est beau parce que c'est minimaliste. Il n'y a pas de fla-fla sur ça. Il me semble que c'est ceux qui sont très, très juste une table avec des pattes. Ouais. Ben moi dans mon appartement on avait ça. C'est beau. Si je me suis aimé, c'est même les deux qu'on avait. Mm-hmm. Ouais. Le point numéro 14, les numéros de série peuvent être très très révélateurs chez IKEA, sachez-le. Certains employés, selon certains employés, en fait les numéros de série des produits contiennent de nombreux indices et de nombreuses informations sur le produit. Donc, sachez-le pour la prochaine fois que vous allez vous rendre au IKEA. Par exemple, en portant attention à un numéro de série, un employé peut savoir exactement de quelle couleur l'item va être. Ah. J'imagine qu'il faut que tu saches le code des numéros de série. Là, mais ça finit toujours par un B pour black. Je sais pas quoi. Peut-être. Ou un 1 ou 0 pour blanc. Je sais pas. En tout cas. Il y a beaucoup de chicanes qui éclatent au... Des chicanes de couple? Au IKEA, oui. Ouais. Et les employés assistent à beaucoup de chicanes à cause de ça. On peut pas vraiment expliquer le phénomène, en fait, mais il y a de nombreux clients qui deviennent très, très nerveux au moment de procéder à un achat de quelque chose chez IKEA. Mm. Surtout si on y va en couple, comme tu le disais. Bien souvent, c'est parce qu'on fait des rénovations chez nous et on le sait, des rénovations, c'est comme un gros test de couple, hein, ça? C'est comme faire un rallye ensemble. Donc, de ce côté-là, ça amène du stress de plus et ça arrive régulièrement qu'il y ait des couples qui aient des conversations assez musclées, merci, afin de s'entendre sur un produit final. Mm-hmm. Justement, est-ce que t'as vu la vidéo sur YouTube du gars qui fait des jeux de mots d'IKEA à sa blonde pendant comme beaucoup trop longtemps, puis la blonde, elle commence à se fâcher, mais le gars, il fait des super bons jeux de mots, as-tu vu ça? Non. Je vais vous le mettre là, live, là, sur la page d'Assemblage Ricky sur Facebook. Ça doit être très drôle. C'est en anglais, mais c'est déjà mis. Voilà. Ah, OK. Si jamais vous pensez ne pas comprendre ce que les employés se disent... Eh bien, sachez que c'est parce que les employés se parlent en code. En code, pas en allemand encore. Pas en allemand encore. Non. C'est pas suédois, ça? Suédois, ouais, je sais. Ouais. OK, bon. Mais tout ça pour dire que oui, les employés se parlent en code et c'est peut-être pour ça que vous comprenez pas nécessairement ce qu'ils se disent dans les petits radios. Quand vous entendez un code 22 dans l'interphone, c'est que les fils à la caisse débordent et qu'ils ont besoin de renfort assez rapidement. Si on recherche un enfant qui s'est égaré, on va lancer un code 99. Okay. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où se cacher et c'est très, très facile de perdre la trace d'un enfant au IKEA. Ouais. Donc, de ce côté-là, ça arrive vraiment souvent que vous allez entendre code 99, code 99 au IKEA parce qu'il y a un des enfants qui s'est égaré de ses parents. C'est pas juste une question de prix, le genre 19 et 99. Non, c'est ça. Sachez, code 99 pour l'enfant à 9,99. Non, malheureusement. Point numéro 17, ça s'appelle « Quand les chats sont partis, les souris dansent ». En fait, c'est que plusieurs employés, une fois que le commerce est fermé, il y a une fête qui s'installe au IKEA. OK, party de boule de viande. C'est comme un party de bureau, mais à l'année longue. En fait, c'est que lorsque les employés font glisser les murs, justement, afin de créer une espèce d'espace ouvert et de chemin pour faire le ménage ou remplacer des items, bien, il y a certains employés qui s'amusent à se cacher dans des sections et faire hurler de peur leurs collègues. Donc, ça devient vraiment comme... J'ai comme l'impression que l'after job est plus gros que ton shift, là. Tu sais, c'est... Mais c'est quand même intéressant. Ça a l'air le fun, oui. Ça a l'air le fun. Finalement, on devrait peut-être tous travailler au guillet. Je suis pas certaine que ça te tenterait. Les employés, quand vient le temps d'avoir un party de Noël, je parlais que c'est quasiment un party de Noël à l'année longue, eh bien, sachez qu'ils ont de fabuleux cadeaux. OK. Parce qu'en fait, les employés d'IKEA ont vraiment de très bonnes conditions de travail. Et du coup, lorsque Noël arrive, ils ont l'habitude de recevoir des cadeaux assez étonnants comme des bicyclettes, des appareils électroniques. Il y a certains employés qui ont reçu de grands compliments de la part de leurs collègues ou même parfois des billets d'avion de la part des dirigeants et aussi des meubles. Ah, OK, pas juste une patte de table. Non, pas juste la patte. Ils te donnent le meuble au complet. Et le point numéro 19, le fameux point qui termine ma chronique, c'est en fait les ventes sont poussées par Pinterest. Par Pinterest. Sachez-le. Oui. Les employés d'IKEA peuvent deviner sur un item qui a été vedette sur Pinterest, car celui-ci va vraiment disparaître facilement et très, très rapidement des étagères du IKEA. Et aussi, lorsqu'un projet devient vraiment viral sur Pinterest ou qui contient des items d'IKEA, bien, ceux-ci sont vraiment très, très, très prisés par les clients. Donc, les fameuses étagères là, à plusieurs boîtes, là, on voit ça un petit peu, là, ça a l'air des échelles, mais c'est comme toutes des cubes mis ensemble. Mais ça disparaît assez rapidement, merci. C'est vrai que la popularité des IKEA Hacks, où tu peux prendre des différents articles de chez IKEA et faire d'autres meubles avec, là, aussi. C'est très populaire sur Internet. Ben oui. J'imagine que ça aussi, ça aide. Ça aide beaucoup. C'était les 19 secrets que les employés dévoileront jamais, mais qui ce matin ont été dévoilés. Mais tu les mets sur la page Facebook. Je vais certainement faire ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Tania is gonna entertain tous les jours à Assemblage Requis. Autour de la pause, Sébastien Gartin et son bulletin Gartin. Restez là. Il va vous mettre ça dans l'ordre, lui. Non. Avec des petits dessins. Des petits dessins. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce mercredi 3 février 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Tantôt, on a parlé de boule de viande, on voulait servir ça avec de la petite sauce. Oui. C'est celui qui rajoute de la sauce sur l'information, c'est-à-dire qui rend ça savoureux, délectable. Oh. C'est Sébastien F. Gartin, voici son bulletin Gartin. Bulletin Gartin se met de la personnalité. Comme ça. G-Swiss. Bien essayé. Mais t'es-tu en train de sous-entendre que je suis sa sauce, moi, là? Oh! Je pense que c'est contagieux, ton affaire. ça marche pas bien. Je pense que je m'engouffre dans ce parallèle. Je pense que c'est ce que je voulais dire. Effectivement. Cette comparaison. Bref, Sébastien Viertin, on parle d'actualité habituellement au niveau que ce soit provincial, national, international. On essaie de démystifier Interstellaire, même parfois. Interstellaire, Star Wars? J'en viens de là, je me trompe d'émission. Il était temps. Ouais, je sais. Il était temps. Parlant d'actualité. En retard un peu. Il était temps. C'est ça? À l'après-garde? Ouais, l'après-garde, ouais, c'est le gars dedans. En fait, je suis quasiment surpris qu'il soit encore au cinéma. C'est sûrement sa dernière semaine, d'après moi. Ouais. Mais quoi qu'en même temps, ça a tellement pogné que. Tu sais, 18 décembre, ils vont tirer la sauce. La sauce! On a bouclé la boucle de ce parallèle. Voilà, maintenant, on va changer de sujet. De quoi est-ce qu'on parle? Ben, en fait, on va parler d'un peu le contraire de Star Wars, parce que Star Wars, bon, on n'a pas arrêté d'en entendre parler, tellement que même les fans finis comme je suis sont écœurés d'en entendre parler puis de voir des petits articles de sites de clickbait sur le sujet. Ouais. Non, en fait, je vais parler de quelque chose qui a été extrêmement confidentiel, étonnamment, c'est-à-dire le revenu minimum garanti. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bon, c'est une en très, très gros. Puis là, avertissement, comme je le dis parfois, c'est ce matin une chronique avec pas de casque. On n'a pas de préparation. Je n'ai pas mes notes devant moi pour me dire, parle de telle affaire. Donc, je m'excuse déjà si ça va être un petit peu décousu. On placote. Ouais, c'est on ça. On charge. Donc... Ah, pour commencer, qu'est-ce que le revenu minimum garanti? Le revenu minimum garanti, j'ai l'impression que je vais dire ça beaucoup dans la prochaine demi-heure. Le RMG. Le RMG. Ben, c'est effectivement comme ça qu'on l'appelle aussi. C'est une idée en sciences politiques qu'en gros, bon, vous savez, surtout dans les États comme le Québec, qui a quand même un petit fonds socialiste, on a beaucoup de programmes divers pour donner des rentes à telle personne ou à telle personne. Sur la base de, bon, premièrement, il y a évidemment l'aide financière. Mm-hmm. Il y a aussi l'aide sociale, ce qu'on appelle la STAR de manière un peu condescendante, le BS. Ouais. Il y a des allocations pour les personnes qui vivent certains handicaps. Il y a des allocations pour les personnes qui ont des enfants, par exemple, mm-hmm. pour les jeunes familles. Le gouvernement donne un paquet d'allocations différentes qui sont calculées de plein de manières différentes avec des algorithmes généralement plutôt compliqués. Donc, ça fait travailler une armée de bureaucrates, évidemment. Une solution un peu à tout ça, parce que ça devient, tu sais, on critique souvent la lourdeur bureaucratique de l'État québécois. Donc, une solution apportée à tout ça, qui est testée un peu par... qui commence à faire son chemin dans le monde, d'ailleurs, c'est le revenu minimum garanti, le RMQ. Ça, en gros, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un paquet de programmes sociaux pour donner quelques centaines de piastres à telle personne par tel billet, quelques centaines de piastres par tel autre billet, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, c'est quoi le minimum que quelqu'un a besoin pour vivre dans la vie? On se dit, bon, là, le chiffre qui est avancé au Québec, là, qui tourne un peu autour d'eux, c'est 1 000 $ par mois. Okay. Ça paye toutes tes dépenses de base. C'est-à-dire loyer, c'est ça, loyer, alimentation, l'hydro, bon, t'es supposé d'être capable de vivre avec ça. Là, moi, mon intérêt, comme toujours, moi, je suis pas un fiscaliste ou quoi que ce soit. Moi, le chiffre, c'est 10 000, si tu trouves, si c'est pas assez, c'est pas ça qui m'intéresse. On va pas aller gratter les cendres non plus à dire... C'est ça, tu sais. Le but de la chose, puis une des choses assez frappantes, c'est que c'est absolument tout le monde qui est citoyen qui a droit à ça. Okay. Que tu gagnes 12 000 piastres par année ou que tu gagnes... sweet fuck all, excusez l'expression, mais par année, à cause que, bon, dans le fond, comme, mettons, les gens aux études supérieures, comme... moi personnellement, mettons. Qui vivent sur l'AFE pendant un bout, ben, moi, mon revenu autre que l'AFE, je n'en ai pas pantoute, là, tu sais. Fait que moi, ça serait ça mon revenu, dans le fond. Donc, mais je recevrais du gouvernement la même chose que, mettons, comment que c'est, François Lambert ou le dragon qui a une Lamborghini? Là? Oui. Ah, tu me parles. Ouais, François Lambert. C'est ça, François Lambert. Ouais. Ouais. Parce que Martin Lambert, c'est l'employé du SEU, fait que c'est François Lambert, c'est ça. J'ai déjà fait l'erreur d'ailleurs, mais c'était un peu gênant. On te salue, mais ouais, Martin. C'est ça. Donc, lui-même, François Lambert, recevrait la même chose que moi, malgré le fait qu'il fait plusieurs millions par année. Mmh. Ça a l'air choquant un peu sur le bord, mais l'idée de ça, c'est de, en fait, c'est que le fait qu'on, comme ce qu'on va trouver tout cet argent-là à donner, ben c'est seulement qu'on va sauver immensément beaucoup sur la bureaucratie, parce que là, c'est immensément beaucoup de fonctionnaires qu'on s'entend. Si t'as pas à déterminer le montant envoyé à tout le monde, ou si telle personne est éligible ou quoi que ce soit, tu viens de couper comme 75% des gens qui travaillaient dans cette affaire-là. Ouais. Là, évidemment, la première, ça amène une première critique. C'est que, ben là, ça va faire perdre des jobs à court échéance. Oui, c'est vrai, mais c'est sûr que, bon, là, on tombe encore dans de l'application. Ça sera pas implanté du jour au lendemain non plus. Ouais. Donc, c'est un peu ça, en gros, l'idée du revenu minimum garanti. Puis là, bon, comme je dis, ça peut avoir l'air choquant un peu de se dire, ben là, c'est où la justice là-dedans? Ben, c'est que la justice, c'est que, premièrement, c'est tout le monde pareil. On considère que... il est considéré par cette idée-là que... Ben, il faut que le montant soit suffisant pour que quelqu'un puisse se contenter de ça pour vivre, même si c'est pas vivre richement, on s'entend. Là, l'idée c'est de payer le loyer, payer l'épicerie, puis payer le linge une fois de temps à autre. C'est pas de se payer du luxe. C'est juste d'être capable de vivre. On dit le terme qui est utilisé parfois, c'est une garantie à la dignité aussi. Ah d'accord. C'est-à-dire que tu vivras pas dans de la. Le gouvernement s'occupe de ne pas te faire vivre dans la pauvreté crasse. C'est maintenant. Pas de l'opulence, mais c'est. C'est ça. C'est juste de dire que tu vis correct. Tu vis pour être. Pour pas te sentir, mettons, je sais pas comment dire, l'inférieur. Tu vis correct. T'as pas. L'idée aussi, c'est de retirer un peu un stress financier à certaines personnes, parfois quand t'es en recherche d'emploi ou quand t'es aux études, justement. Bon. C'est un peu tout ça l'idée. Pourquoi j'en parle comme si c'était... J'ai dit au début, en commençant, que c'était quelque chose qui était resté très confidentiel. Mm-hmm. C'est que, ben effectivement, ça, c'est quelque chose qui se discute depuis quelques semaines dans les c'est médias. C'est pas longtemps. C'est ça. C'est que, bon, c'est que ce qui arrive, c'est qu'il y a, une... Je me rappelle plus c'est quoi le terme qu'eux autres utilisent, mais il y a une partie de la Suisse... qui veut instaurer ça, qui présentement sont en démarche référendaire, si ma mémoire est bonne, à savoir si ou non ils veulent instaurer ça. Puis le oui regarde bien, apparemment. Okay. Il y a aussi un autre pays, il y a un pays scandinave, c'est le Danemark, si ma mémoire est bonne, qui eux aussi commencent à songer très sérieusement à implanter ça. Au Canada, si ma mémoire est bonne, on a une ville au Manitoba. C'était dans les plaines, en tout cas, de mémoire, c'était au Manitoba. Qui a instauré ça pendant 5 ans. Okay. Là, c'était la ville, c'était municipal, mais c'était comme une espèce de laboratoire social, test, mettons. Ouais. Ce qu'ils se sont rendus compte, une des choses qui est ressortie beaucoup, parce que là, il y a effectivement beaucoup d'études reliées à ça, évidemment, ça a été que ce qui a été le plus marquant, c'est la hausse drastique de PME. Ah. Parce que, bon, on s'entend, quand tu te lances en affaires puis que tu pars souvent de rien, ben le gros stress, c'est que combien de temps ça va prendre avant que ça soit rentable. Tu peux être plusieurs années à payer de ta poche pour faire runner ta compagnie, puis t'as pas nécessairement les moyens de faire ça. Donc ça stressait beaucoup les gens, puis là t'as peur de pas payer ton loyer, puis bon, comme je disais. Donc l'idée du revenu minimum garanti, ça aide un peu ça en quelque part, parce que ça te fait comme une espèce de base qui fait que là-dessus, après ça, tu peux te lancer pour te lancer en affaires, c'est ça, dans le fond. Donc ça, c'était ce qui était ressorti, l'expérience qui avait été faite au Canada. Ça fait déjà quelques années, mais c'était au milieu des années 2000, si ma mémoire est bonne. Là encore, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus que ça? Je vais en rajouter une couche là-dessus. Notre ex-ministre de l'Éducation, récemment ex-ministre de l'Éducation, redevenu ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, qui est un universitaire, du même domaine que moi d'ailleurs, en philosophie. Lui, en fait, c'était l'expert, avant de se présenter pour le Parti libéral, c'était l'expert mondial du revenu minimum garanti, des questions morales, parce qu'il y a des questions morales aussi de relier ouais, à ça. Oui, quand même. Parce que ce que lui, dans le fond, ce qu'il défendait, puis c'était très... Moi, j'ai pas lu le livre. D'ailleurs, petite plug pour le Zone Campus, l'éditorial de cette semaine de Lucas Hubert traite de ça, entre autres. Quelle autopromotion sympathique. C'est effrayant. Mais c'est pas de l'autopromotion, je l'ai fait pour vous. C'est ton co-animateur du jeudi après-midi. Ouais, qui passe son temps, si vous nous avez écouté, il passe son temps à dire qu'il m'a putché, puis qu'il m'a mis à la porte, puis tout, là. C'est une belle comédie. Ouais, c'est ça. Donc, fait que je ne suis pas rancunier, je lui fais une plug. Non, c'est ça, il traite de la question. Lui, il a lu le livre de François Blais, ce que j'ai pas fait. Mais en gros, ce que François Blais défend, c'est qu'il dit dans la mission un peu de n'importe quel gouvernement, c'est de défendre les droits. Là, je résume beaucoup l'argumentaire. C'est de défendre les droits et libertés des individus qui font partie du gouvernement. Mmh. En gros, c'est ça la base d'un gouvernement. Ça, c'est en théorie du libéralisme. Ne pas mêler avec le PLQ, soit dit en passant. Mais en tout cas, c'est toute une autre affaire, c'est juste le mot qui se ressemble. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que dans les droits fondamentaux, tu sais, on défend beaucoup la sécurité, tu sais, dans le fond, la police, ces choses-là. Mais ce qu'on défend peu, puis ce que le RMQ vient un peu intervenir dedans, c'est défendre le droit, l'accès à un toit, l'accès à de la nourriture saine, mettons. Ainsi de suite. T'sais, des droits qui sont quand même presque plus fondamentaux que ce que le gouvernement met beaucoup d'énergie à défendre. Mmh. Parce que là, t'sais, énergie à défendre, l'éducation, mais t'sais, l'éducation universelle, si tu arrives à l'école le ventre creux, ben, t'sais, ton éducation universelle, est-tu vraiment... Ça t'apprendra pas. Ça a bien beau dire que tes parents payent pas une scène pour que tu ailles à l'école au primaire, mais si je veux dire, tu la reçois pas, cette éducation-là, si tu manges pas. Là. Mmh. Donc, c'est un peu tout ça. Ça, c'est plutôt l'aspect moral de la chose. Donc, là encore, je disais que c'était confidentiel parce que malgré le fait qu'on a le spécialiste mondial, puis quand je dis spécialiste mondial, il a été appelé à l'ONU pour discuter de ça, entre autres. Là, on s'entend, là, c'est pas un ticoun à ce sujet-là. Bien qu'en tant que ministre, mettons que c'est discutable, mais c'est ça. Donc, quand il est rentré au gouvernement en 2014, il a été fait mention du fait que lui avait travaillé là-dessus. Ça avait été balayé du revers de la main par Philippe Couillard. Monsieur Blais avait dit dans une entrevue que là j'ai fait un peu de la recherche là-dessus en fait, puis comme je dis, on en parle très peu de toute cette histoire-là. À l'époque, François Blais avait avoué au Devoir que lui, il aimerait quand même un peu pousser l'idée à l'intérieur du gouvernement libéral, mais à partir de cette entrevue-là, il y a eu le Devoir qui a parlé de ça. J'imagine qu'il a probablement dit à peu près la même chose à la presse ou dans les autres journaux, mais apparemment que c'est juste le Devoir qui a eu. Puis on s'entend, là, c'est une phrase dans un article assez long. C'est pas une brève, puis c'est ça. Comme je dis, il dit « Ah oui, soit dit en passant, c'est un spécialiste de ça », puis il a dit qu'il voulait peut-être pousser ça, malgré le fait que Philippe Couillard n'est pas très, très ouvert à l'idée. Donc, c'est un peu devenu lettre morte. D'ailleurs, moi le premier, j'ai fait beaucoup de commentaires là-dessus du fait que, ouais, tu sais, ça a l'air d'un peu piler sur sa conscience parce que, en tant que ministre de. Parce que il a commencé en 2014 comme ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Il est devenu ensuite, le plus tard, après la débâcle, le Bolduc, il est devenu ministre de l'Éducation. Mais pendant qu'il était ministre de l'Emploi, il a lui-même coupé dans l'aide sociale là, à côté. Là. Il y a une réforme qui est encore très controversée, que lui avait amorcée, qui appauvrit beaucoup certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'être appauvries plus. Puis là, bon, là encore, je ne vais pas rentrer dans les technicalités fiscales de la chose, mais bon, c'était très, très, très critiqué, puis ça revenait beaucoup à couper dans l'aide sociale. Mmh. Fait qu'on se dit, entre ça, puis instaurer le revenu minimum garanti, il y a comme un genre de... Puis d'ailleurs, ouais. c'était à tel point le contraire que la réforme augmentait la charge administrative du système, ce qui faisait qu'il devait encore, qu'en plus de couper à l'aide des gens, il fallait en plus engager plus de fonctionnaires pour le faire fonctionner, parce qu'il y avait encore plus de reddition de comptes et plus de bons. Donc, on étant les gens qui regardaient un peu à cette histoire-là, on se disait tous, OK, il a complètement renié ses idéaux, puis bon... Apparemment, là, depuis, on a eu un remaniement ministériel la semaine dernière, c'est-à-dire que là, les chaises de ministres se sont brassées un peu. Il ouais. Y en a qui ont parlé de chaises musicales. Moi, je dis qu'ils ont quand même rentré assez de joueurs pour dire qu'on ne peut plus appeler ça de la chaise musicale, bien qu'il y ait eu des choix un peu drôles. Mais un choix qui n'est pas drôle, c'est François Blais qui quitte l'éducation après moins d'un an pour retourner à l'aide sociale. L'aide sociale, à l'emploi et la solidarité. Ce qui, à mon avis, est quand même un assez bon move parce que ça reste, ça, je veux dire, on l'avait mis. Ah, toi, t'as un doctorat, t'es un prof d'université, on va t'envoyer à l'éducation, tu sais. On a vu que peut-être à l'éducation, peut-être pour ce qui était de l'éducation supérieure, il était peut-être un peu plus à sa place, mais pour ce qui était de. Parce que là, présentement, on a un super ministère de l'éducation, c'est-à-dire qu'on a de la pré-maternelle jusqu'à l'université qui est dans le même ministère, alors qu'on sait que les études supérieures puis les études ce qu'on a, on pourrait appeler les études obligatoires ou le primaire secondaire de base, c'est pas du tout la même, excusez le mot, game. Ouais. Ça fonctionne pas du tout de la même façon. Il y en a un qui est obligatoire, l'autre l'est pas du tout, t'sais. Donc on s'entend, c'est tout un peu, c'est à limite, c'est juste parce qu'on peut rentrer ça les deux sous le giron de l'éducation, parce que c'est un peu artificiel comme regroupement à base. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un super ministère, pareil comme le ministère de la santé et des services sociaux qui regroupe, ma foi, immensément beaucoup de choses dedans aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça des super ministères. Ça ressemble aux États-Unis, au bureau des armes à feu, courses de chevaux et feux d'artifice et le tout. Ouais, il y a à peu près 40 affaires là-dedans. C'est dans un. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça. Puis au bout du compte, ça arrive que c'est une personne qui prend presque toutes les décisions pour ça. Ouais. Bon, on s'entend, il y a des hauts fonctionnaires aussi, mais souvent les hauts fonctionnaires, pour les grandes décisions, passent quand même par le ministre. Puis bon, ça fait des ministres très chargés. Puis bon. Là, ça, c'est une autre grande question. Est-ce qu'on est peut-être rendu avec des trop gros ministères? Les ministres n'ont pas le temps de vraiment connaître leur dossier, prendre des décisions un peu à la va-vite. On a l'impression que les coupures des dernières années, c'est un peu parce que ça a été des coupures paramétriques, c'est-à-dire des coupures qui ont été en pourcentage de la grosse enveloppe, plutôt que de dire telle activité, vous pourriez la modifier, telle activité, vous pourriez la modifier. Ça, ce qui aurait été des coupes peut-être plus intelligentes quand on est rendu au point que, bon, là encore, c'est très discutable. Moi, je suis pas un gros fan de tout ce qui a été fait dans les dernières années, on s'entend. Mais ça reste que, bon, ça a été quand même très critiqué, y compris par les gens qui étaient pour qu'il y ait même plus de coupes. Ils disaient quand même, on est pour qu'il y ait plus de coupes, mais ça aurait dû être fait moins tout croche que ça a été fait. Puis là, je m'égare un peu, parce que, comme je disais, avec podcast, je m'en vais un peu n'importe comment. où ce que je voulais en venir, c'est ça, c'est que là, puis la nouvelle a été sortie à base par un journal Internet français, comme quoi est-ce que ça revenait sur le tapis. Comme je dis, ça a été... C'est du coup, j'imagine. Du coup, ouais. Ce qui revient sur le tapis, c'est le revenu minimum garanti. C'est que là, dans le fond, apparemment que dans le changement de portefeuille, c'est comme on dit, un portefeuille ministériel de François Blais, apparemment, là, il a reçu le hockey ou même carrément l'incitation à mettre en place des réformes de l'aide sociale et de l'aide financière aux études. En fait, ça a l'air que l'aide financière aux études serait d'un premier programme à passer à ça. Ça, c'est ce que tu as dit plutôt, l'AFE que tu recevais toi-même. Ouais, l'AFE, ouais, que personnellement, je reçois, dans le fond, la réforme viserait à tranquillement transformer ça en aide, en RMG, dans le fond, revenu okay. minimum garanti, pour éventuellement l'installer à tout le monde, mais c'est qu'il commencerait par les programmes, puis tranquillement, pas vite. Je suis pas sûr qu'on parle, donc il enlèverait les AFE pour convertir ça en RMG, et tout le monde y aurait droit, c'est dont ça. Toi. C'est ça. D'accord. Dont toi aussi. Je vulgarise. Oui. C'est ça. Donc, non, mais à vous, c'est comme gagner à vie pendant un bout, là. Ouais. Si on veut. Ouais, gagner à vie, ça donne quand même pas mal plus que ouais, ça. Ouais, non, t'as raison, c'est par un petit semaine. Montant, mais c'est par c'est mois, 1 000 $ par mois, c'est... Par mois, gagner à vie? Gagner à vie, il me semble que c'est par... C'est par semaine. Pas par période de paye. je pense que c'est par semaine, gagner ouais, à vie. Ouais, je pense que c'est... Ouais, OK, non, finalement, laisse. Mais ils ont fait différentes versions, en fait, de gagner à vie, fait que c'est très mêlant. Ouais. Je sortais de mon micro un peu, excusez-la. Ça va, de toute façon, tu parles rarement devant, comme tu te fais, fait que c'est correct. C'est là qu'il me le dit. Je te niaise. C'est là qu'il me le dit. Je t'ajuste, moi, de mon bord. Mais, ah, bon, ben. Donc, c'est ça. Là, bon, j'en ai parlé un peu. C'est sûr que, bon, on regarde ça, c'est intéressant de voir que ça arrive. C'est une grosse réforme de toutes nos institutions, en fait, qu'on avait déjà. Lui, dans son livre, apparemment, qui présentait ça vraiment comme une manière de repenser toute notre démocratie pour le 21e siècle, parce que ça joue un peu aussi sur la démocratie, parce qu'en quelque part, là encore, si tu sais que tu as une partie de ton revenu qui est assurée, ben là encore, tu vas peut-être, il y a peut-être des gens qui vont être portés à faire ça, de peut-être travailler moins d'heures semaine, ouais. mm-hmm. donc de diminuer leur revenu d'emploi, et de faire, par exemple, plus de bénévolat, mm-hmm. Peut-être plus s'impliquer dans la démocratie, entre autres, peut-être plus dans le municipal, c'est la place qui va peut-être gagner le plus à ça. Mais dans un peu tous les domaines. On a assisté à une chute, d'ailleurs, de l'implication en politique d'à peu près tout le monde depuis plusieurs années. C'est sûr que ça vient beaucoup avec un cynisme par rapport aux politiques, mais ouais. une nouvelle patente comme ça, je pense que c'est un des gros points positifs, c'est que ne serait-ce que par son existence, ça remet beaucoup de choses en question. Ça va peut-être changer beaucoup de choses sur la manière que... Ça va peut-être changer beaucoup comment est-ce que les gens mènent leur vie, en fait. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça va augmenter la qualité de vie un peu, d'avoir à moins travailler pour... Ben, c'est sûr qu'à base, dans plusieurs domaines, ça va être le cas. Puis d'ailleurs, on a une industrie manufacturière qui stalle beaucoup. Donc, c'est surtout les emplois en bas de l'échelle, en bas de la moyenne qui vont peut-être en bénéficier le plus. Évidemment, c'est sûr que pour quelqu'un qui gagne 200 000 par année, ramasser, mettons, 12 000 piastres, puis là, je mets un gros mettons parce qu'on ne sait pas du tout ça serait quoi le montant. Ouais. Ben, ça ne joue pas grand-chose. C'est sûr, eux autres, ça ne changera pas grand-chose à leur vie. Quelqu'un qui gagne 30 000 par année, mettons, qui est comme moyenne là, à peu près, là, c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses dans leur vie. Là. Ça leur rajoute, ça leur donne déjà des moyens de plus. Les moyens de plus consomment plus, évidemment. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Dans les études, une des affaires, c'est aussi que ça... Tu sais, je disais, le gros effet inattendu, c'est ça, c'était l'entrepreneuriat. Il y a aussi le fait, très, très facile à démontrer, que ça aide l'économie. C'est un peu, en quelque part, des espèces de subventions indirectes à l'économie, veut pas. Mm-hmm. Parce que les gens dépensent plus s'ils ont plus de moyens. C'est ouais. évident. Puis les salaires stagnent depuis plusieurs décennies en Amérique du Nord. Fait que là encore, ça vient réparer ça. Ça, c'était pour les grandes qualités, dans le fond, de cette idée-là. C'est ce que je viens de dire. Il y a l'aspect moral que j'ai parlé tout à l'heure, que bon, l'État a comme un devoir de pourvoir, en quelque part, au moins de garantir que les besoins fondamentaux des gens sont, dans le fond, ce qui est des droits, là, qui sont remplis. Les défauts de ça, ben moi, une des affaires que je vois, c'est que c'est pas vrai que quelqu'un que tout le monde ait les mêmes besoins, dans le sens que c'est bien beau pour nous trois autour de la table qu'on est assez qu'on n'a pas de handicap particulier, ouais. qu'on est en santé, pas de handicap visible, c'est ça, mais ouais, allez, je me regarde de même, je sais pas, je trouvais ça drôle. Mais un des défauts, c'est qu'il y a des gens qui ont des handicaps qui font exploser un peu leur coût. Donc ouais. si tu fais juste instaurer ça de même, tu mets ça comme ça puis tu dis bon ben regarde, tous les programmes sociaux c'est fini. Ben, c'est sûr que ça suit la logique de la chose. C'est un peu ça qu'on devrait faire. Si on suit vraiment la logique mordicus de la chose telle qu'elle est présentée. Sauf que, mettons, par exemple, on va prendre quelqu'un qui est paraplégique, mm-hmm. qui a besoin d'un fauteuil roulant. C'est déjà des dépenses. Un fauteuil roulant, ça coûte cher. Ouais. Surtout si tu te promènes constamment avec, t'en veux un pas trop lourd, parce que évidemment, t'es... En voiture, tout ça. Mm-hmm. Là, il faut que tu adaptes ta voiture ouais. à ça aussi, ce qui est encore des dépenses. On s'entend, tu peux pas tellement dire à une personne qui est paraplégique, ben passe-toi de ta voiture. On c'est s'entend. Assez difficile. À ce moment-ci, surtout c'est de ça. L'année où il neige. Ben, c'est évidemment. Ouais. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres de gens qui, eux autres, n'en bénéficieraient pas, puis peut-être même que leur vie serait plus compliquée à cause de ça. Ouais. Mais est-ce qu'elle serait vraiment plus compliquée ou elle serait au moins allégée de quelque peu? Ben c'est là qu'on rentre dans le yab et d'un détail, mm-hmm. parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ça serait instauré exactement, mais c'est sûr que, bon, il y a de ces personnes-là qui ont des emplois. C'est sûr que, comme je dis, l'exemple de paraplégique, c'est un handicap qui est quand même relativement accommodé dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on a des rampes à peu près partout, il y a des lois là-dessus, mm-hmm. ouais, sauf à la chasse-galerie. Bah. Mais... Mais non, c'est ça, les gens à mobilité réduite sont quand même relativement accommodés dans la société, mais il y a d'autres exemples, des gens qui ont des maladies, qui demandent des traitements, là, qui ont des coûts faramineux. Est-ce que ça les aiderait vraiment? Ben là, c'est ça, c'est que t'as raison, peut-être que ce serait une bonne chose aussi pour eux autres. Moi, ce que je soulevais, c'est que c'est pas nécessairement une bonne chose ouais. pour eux autres. C'est surtout ça, en fait, là, je suis peut-être allé un peu trop vite, là. Moi, c'est un des défauts que je vois. Un des défauts, évidemment, mais là encore, c'est un problème d'application. Puis c'est souvent ça avec les grandes idées comme ça. Le problème, ouais. c'est dans l'application. En effet. C'est qu'évidemment, bon, on dit... un des intérêts de la chose, c'est que ça diminue la taille administrative de ces programmes-là. Évidemment, on a beaucoup moins de gens à faire travailler pour faire fonctionner nos programmes sociaux. Mais c'est des emplois qui gagnent relativement cher. Là, à date, ça a l'air que c'est toutes des bonnes choses. L'affaire, c'est que ça va faire une moyenne, si on le fait d'un coup, c'est ça que je dis, puis là, eux autres, ils commencent à dire que ça va être très, très progressif. Mais c'est que si on le fait d'un coup, ben évidemment, tu te retrouves avec beaucoup de gens qui se retrouvent du jour au lendemain au chômage. Donc, sur ça, évidemment... Avec un minimum requis. Avec un minimum requis qu'il faut leur payer. Ouais. Bon, on a le minimum requis qu'on leur fait payer, mais c'est sûr que du jour au lendemain, passer de... On s'entend, des salaires dans la fonction publique, tu gagnes pas juste 20 000 $ par année, non, on s'entend. Ça, ouais. Ça va faire quand même une grosse masse de gens qui, du jour au lendemain, ne pourront plus payer leurs hypothèques, vont être obligés de vendre leur maison. Puis là, ça peut amener des problèmes aussi. Donc ça, c'est un des défauts que je vois. Il y a une question dans quelque part, oui, du point de vue moral, on se revêt d'un devoir moral justement de fournir le strict minimum à plusieurs personnes. Mais on se dit, tu sais, le fameux 12 000 $, si on le donne à des gens qui gagnent au-dessus de 100 000 par année, on s'entend dessus que de ce point de vue-là, il y a quand même un peu un manque de justice dans le sens que, ben, en fait, on n'en a pas besoin pantoute. Donc, ouais. Là, on revient avec le problème de, ouais, mais là, on devrait ajuster pour tout le monde si on veut avoir cette définition-là de la justice. Puis là, ben, on retombe dans le problème de, ben, on laisse faire ça, dans le fond, puis on revient avec... Il faut engager des gens qui vont juger ces critères-là. C'est ça. Fait que là, on revient avec notre armée de fonctionnaires, puis on revient avec des différents programmes sociaux épars un peu partout à la pièce. Donc, c'est une question pas simple. C'est une question que, comme je disais, ça a été très confidentielle, ça a été très peu discuté publiquement. Au Québec, il y a présentement, là, depuis le remaniement ministériel, j'ai trouvé deux articles qui faisaient allusion à ça. Il y en a un dans le Journal de Québec, puis l'autre, c'est le Huffington Post. Okay. On s'entend. C'est quand même, moi, je trouve que c'est quand même un manquement, parce que c'est une grosse question. Ça pourrait être un projet de société, on peut dire. La façon qu'on va, parce qu'il y a beaucoup, comme on a dit, il y a beaucoup de questions d'application liées à ça. Mm-hmm. Ça pourrait être un nouveau projet de société. Puis François Blais, il disait que ça pourrait prendre de 20 à 25 ans à instaurer ça complètement. Mm. Donc on s'entend, c'est sur le long terme. La longue échelle. Le très long terme. Donc en conclusion, c'est une chose que j'espère que les gens vont s'informer un peu plus dessus, puis qu'on espère surtout qu'il va avoir plus de discussions publiques de ça, parce que présentement, comme je dis, il y en a peu ou pas. Et éventuellement, ben c'est ça, on va en venir à... On va peut-être avoir plus de nouvelles là-dessus dans les prochaines semaines. On espère bien, on va être là pour t'entendre s'il y a quelque chose de nouveau là-dessus. Sébastien F. Gartin? Oui. On te retrouve à ton émission jeudi après-midi avec Lucas Hubert. Ouais. La sortie de secours est à votre gauche. OK, oui. Qu'est-ce qui s'en vient, entre autres? C'est que... En gros, c'est que... Ben, on va parler des primaires américaines. OK, oui. On va la deuxième place de Donald Trump. Ce qu'on aimait, ben oui. Ben oui. Évidemment. C'est quand même assez inquiétant. Hein? Le quasi ex-écho entre notre chouchou Bernie Sanders et Hillary Clinton. À trois votes de distance. C'est effrayant. Genre, nous autres, on a appelé ce segment-là, en tout cas, Lucas n'était pas trop sûr du nom, mais moi, je l'aimais bien. On appelait ça « L'herbe est toujours plus jaune chez notre voisin du Sud ». C'est surtout une référence au cowl douteux de Donald Trump, là, qui, on s'entend, c'est toujours délicieusement trash. Là, n'importe quoi, oui. Puis on s'entend, Ted Cruz, le gars qui a gagné, qui a été le premier... Il est encore plus de droite que Donald Trump. Il est encore pire que Donald Trump. Ouais. Il est juste moins flamboyant, mettons. Il fait juste moins paraître. C'est ça. Mais si tu regardes, si je me rappelle bien, c'était même lui qui avait proposé de faire un grand mur entre le Canada et les États-Unis. Là, pareil comme ils sont en train de construire au Mexique. Entre son pays d'origine et les États-Unis. Ouais, c'est ça, parce qu'il est né au Canada. C'est ce qui est très drôle. C'est un fils d'immigrant mexicain qui est né au Canada puis qui a immigré aux États-Unis ensuite. Donc, en tout cas. J'aimerais bien voir Trump lui demander son certificat de naissance. C'est ça. Parce qu'on le sait ce qu'il y a dessus. Avec Obama, on se rappelle qu'il a fait ça. Bref, la sortie de quoi est à votre gauche, c'est jeudi 13h. Ok, oui. Merci, Sébastien Gertin. Mais merci à vous. À la semaine prochaine. On se retrouve les mercredis à 8h ici à Assemblage. Ok, oui. Dans quelques instants, Frédéric Bernard va être avec nous pour Google Globe. Et pour l'instant, on écoute Paul Léon. Voici la pièce Retour à Assemblage. Orléans et la pièce Retour. Justement, parlant de retour, au retour de la pause, Frédéric Bernard s'en vient avec Google Globe. Là, c'est la fin. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. De retour à Assemblage Requin ce mercredi 3 février 2016 et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Je sais pas ce qui nous arrive, mais la chronique de Sébastien Vigartin était plus courte que d'habitude. On a le temps de prendre deux pièces de suite. C'est vrai. Donc écoutons Desire par Dilldally et après ça, juste après ça, ça va être Frédéric Bernard, l'explorateur du web, du Google, du Bing, du Yahoo. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est pas mal tout dit. Ben, il reste la Toile du Québec, là, si c'est encore ouvert, c'est toi. Je pense pas que ce soit encore là. On va faire nos recherches là-dessus. Vous êtes ensemble à Chouki, jusqu'à 9h30. Le nouvel extrait Desire de Dilly Dally à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment d'accueillir celui qui vous dit quoi chercher sur Internet. T'sais, des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce que je pourrais bien taper sur Google? T'sais, mon nom, c'est quoi? C'est rendu plate, là? Ouais, on l'a après trois fois. trois, quatre douzaines de fois par mois. Donc, c'est Frédéric Bernard. Voici Google Glob. Bonjour à toi, Frédéric Bernard. Bonjour à toi, Mathieu. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Le tsunami de neige, ça fait pas trop peur dehors? Oui, moi, ça m'a surpris un matin. Je me suis rappelé qu'on était l'hiver. Ah. J'ai pas habitué cette année. C'est pour ça que t'as eu de la misère à starter ta tablette Samsung aussi, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le froid. Lui non plus, la neige, il a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas son genre de choses. Bref, tu vois qu'il y a toujours des problèmes de technologie. Oui. Google est là pour t'aider. Lui-même, un produit technologique. Oui, lui-même, fière application qui permet d'aller chercher toutes sortes de réponses à toutes sortes de questions. Fière et fiable, oui. Tu lui poses une question absurde. Et qu'est-ce que c'est la question que tu lui as posée cette semaine? Cette semaine, en fait, j'étais... Je relativisais sur la vie, en général. Et tu philosophais. Oui, je philosophais. Ça m'arrive de temps à autre. Autant qu'on avait 12 chroniqueurs en histoire à Assemblage Rocky les dernières années, là, maintenant, c'est tout le monde en philosophie, ces temps-ci. Oui. Je sais pas ce que tu parles. Bravo, mais tant mieux. Mais je suis pas en philo. Non, mais t'es philosophique. Oui, j'aurais pu aller en philo parce que je pensais à ça justement, à ces déroulements de la vie. Je me posais comme question, comme n'importe quelle personne de 20 ans, où suis-je, que vais-je, 20 ans. Wow. Pour toi, je disais ça pour toi, je me perdais dans... Wow. Ouais. C'est beau, hein? C'est beau. C'est super beau. T'es poétique en plus d'être philosophe. Oui, alors je me posais la question, où je serai? Mais j'ai déjà posé la question, où serons-nous en 2050? C'est oui, vrai. Mais ça, ça parlait pas de toi personnellement. Non, pas moi personnellement. Et encore là, ça parle pas nécessairement de moi personnel, parce que sinon tu dirais, oh mon Dieu, il y a quand même la grosse tête. En fait, je me suis demandé, oui, mais moi, je m'en vais où? Mais les autres que j'ai rencontrés par le passé, où s'en vont-ils eux? Où sont-ils rendus? Peut-être que de savoir où ils sont, ça pourrait m'aider dans ma question. C'est sûr que t'aurais pu poser la question à Facebook, t'aurais sûrement une meilleure réponse de où sont rendus tes amis de... J'aurais pu, mais ça aurait été moins drôle. Fait que j'ai posé comme question à Google, où sont les populaires du secondaire? OK. Alors, ces gens populaires qu'on trouvait donc hot quand on était au secondaire, qui étaient donc cool, puis qu'il y avait de l'air que... Tu sais, des gens qui rayonnent le succès. Là. Les rois et reines. J'en ai croisé une coupe ici. Sérieusement, ils rayonnent plus tant que ça. Non? Hein? Ah ben. Moi, il y avait toujours... on a toujours notre stéréotype, si on veut, qu'on fixe quand on est au secondaire. Celui les geeks, qu'on... Oui, mais ça aussi, mais en même temps, notre idéal, si on veut. Ouais. Cette personne qu'on dit, oh mon Dieu, si je serais lui. Ah, quand on est là, je parle au secondaire, si je serais lui ou si je serais elle. Ton modèle. Je serais donc-tu heureux. Mm-hmm. Moi, c'était les sportifs qui étaient bons à l'école. C'est rare quand même, les jocks intelligents. Non, moi, c'était pas rare. Parce qu'en fait, pour continuer à être dans un programme de sport, il faut que tu sois intelligent. Mais il y a pas une affaire de genre, je sais pas, qu'il y a pas du traficage de notes, là, mais tu sais, du contournage de règles. Ça, c'est des films des années 80. Ouais, ils font tout le temps ça dans les films. Ça me donne une fausse impression. Non, mais honnêtement, ça se fait, même si à l'université. Ah! Mais... Oh, ouais! Ouais, mais... C'est-tu les mêmes? Non, parce que... Ils ont-tu fait un film là-dessus? Je sais pas, je les connaissais pas au secondaire. Mais tout ça pour dire que faut vraiment que tu sois intelligent parce que t'as des tests à passer. Okay. Puis si tu maintiens pas une certaine note, t'es sorti du programme de sport dans lequel tu es au secondaire. Ah ben. Moi, ils me mettaient en maudit. Ouais, je sais. J'étais maudit, ils ont tous, genre, sont sportifs, puis en plus, ils sont bons à l'école, ils ont tout en avenir. Ouais, ils ont pas de boutons, en plus, ces gens-là. C'est vrai, ben souvent, ils ont pas de boutons. Je sais pas ce qui se passe avec ça, mais bon. Mais oui, en tout cas, toute ma frustration sort. Bref, je me suis demandé, ben, il est rendu où, ce gars-là? Spécifiquement. Ce gars-là. Jonathan. Ce gars-là. Finalement, lui, t'aurais pu le Facebooker. Donc, j'ai posé la question à Google pour savoir, bon, bref, ces gens-là qu'on trouvait populaires au secondaire sont rendus où? Bon. Ont-ils eu du succès? Où sont-ils? Est-ce que ça a marché, ton histoire de chercher ça? 1 à 5! les premiers résultats que j'ai eus n'étaient pas tant fameux. En fait, c'était pas tant encourageant. J'aime beaucoup le premier article, déjà en partant. Le premier article, je suis tombé sur un site du gouvernement du Québec. Donc ça, c'est officiel, là. C'est des vraies informations. C'est officiel, c'est officiel. Ça fait un peu peur en même temps. Ça fait un peu peur en même temps, c'est surprenant, parce que je m'attendais à plus, honnêtement. C'est des statistiques sur l'utilisation, la consommation de drogue au secondaire, sur les jeunes secondaires. La drogue! Alors, oui, la drogue. C'est mauvais, la drogue. Mais je trouve ça surprenant parce que je regardais une des statistiques. Ça commence à 12 ans. Ouais, c'est jeune, hein? Ça a 12 ans que 1,6% des jeunes qui ont déjà touché, qui ont déjà consommé la drogue. C'est intense. J'aurais pas cru. Puis juste un an après, t'es déjà rendu à 4,9. Oui, juste un an, juste le aussitôt l'entrée au secondaire, t'es à 4,9. Puis ensuite, ça augmente au fil des années. Alors, ça augmente de plus en plus. On se rend en 17 ans, on est à 46%, quasiment la moitié des jeunes secondaires ont déjà consommé. Mais là, on parle de déjà consommé. Fait que c'est touché, c'est... Oui, ça veut pas dire qu'ils sont rendus des... Oui, c'est ça. Ils sont pas tous des finis, là. Ouais, parce que, tu sais, à un moment donné, là, à moitié de ta population de cégepienne qui... En tout cas... Radio cégep, bon, ouais, tout le monde. c'est drôle. Lui, je l'avais pas vu un petit peu plus loin. On a les performances scolaires par rapport à ça. Ouais. Alors... c'est un peu triste. 18% qui sont au-dessus de la moyenne. En même temps. Tu peux pas demander... Ça, c'est un peu une fausse statistique parce que tu peux pas demander à 60% des élèves d'être au-dessus de la moyenne. Non, c'est ça. Je suis pas mathématicien, parce mais... la moyenne, c'est la moyenne. Ouais, c'est ça. Fait qu'on trouve qu'être dans la moyenne, c'est moyen, mais... En tout cas... Mais là, c'est pas bien. Dans la moyenne, il y a juste 28%. Et sous la moyenne, presque 40. C'est quand même inquiétant. Ouais, ouais, c'est fou. Mais bon. Donc, les données complètes sont... Ouais, c'est statistiques en même temps, je comme, ben voyons donc. C'est tellement des bons liens que ça donne envie d'aller sur assemblagerequis.com, d'aller chercher les liens de l'émission du mercredi 3 février et de suivre avec nous si vous êtes aptes à le faire en ce moment. Hein? Mais continuons sur notre bon chemin du deuxième résultat. 1,7 au secondaire 1 qui ont une consommation élevée. Élevée, j'en ai trouvé un autre, c'est aucune consommation faible et élevée, 1,7% au secondaire 1 élevée. Ça, c'est rendu déjà accro, là. C'est assez intense. Ouais. Les filles ou les gars qui consomment le plus? Les gars. Ouais, c'est une facile. Mais avez-vous remarqué, par exemple, parce qu'il y a comme un gros tableau qui a certaines distinctions de drogue, en effet. Donc, il y a le cannabis, l'ecstasy, l'amphétamine, l'hallucinogène, cocaïne, col ou solvant. Col. Et héroïne. Et je dois dire que l'ecstasy, l'amphétamine sont les deux drogues utilisées les plus par les filles. Arrête de suggérer des affaires aux gens. Suggère absolument rien. C'est une statistique dont je relate les faits. Mais les amis, ne trouvez-vous pas à cet âge-là comment est-ce qu'ils font pour se procurer ces drogues-là? C'est ça bien que je souvent, me demande. Ça se trouve déjà dans leur pharmacie. OK. Ben je me demandais s'ils vendaient leur console de jeux vidéo, leur toutou, puis leur... Peut-être. Je sais pas, leur carte de Pokémon. J'ai aucune idée qu'est-ce que les jeunes achètent de nos jours. Tu connaissais pas du monde au secondaire qui vendait de la drogue, toi? Oui, mais faut quand même que tu l'achètes, là. Faut que tu leur donnes quelque chose en échange. Ils vont pas juste te donner de la drogue freebie de même. Ouais, non, c'est vrai. T'sais, bon, hein, mais il y en a qui empruntent de l'argent à leurs parents pour le dîner. Peut-être. Avec un 20$, j'imagine qu'ils... Je sais pas. Ben, hein? Une chance que j'ai amené la question. Je faisais pas ça, moi, au secondaire. C'est ça, j'avais beaucoup trop peur. Moi non plus, en secondaire 1, j'ai aucune idée. En fait, j'étais dans un délire. Moi, J'avais ben trop peur que ma vie se finisse là. Je veux qu'il m'explique c'est quoi son délire. Ben, en secondaire 1, moi, je pensais que tout était rose partout, que personne n'avait fait. Je pensais que c'était juste du hardcore, là. Moi, la première fois que j'ai vu de la marijuana, j'y croyais pas. Ah, le blues du secondaire, Fred. Le blues secondaire. Ouais, oui, c'est le moment où on pense que tout est beau. Mm-hmm. Et qu'on réalise que les tempêtes de neige existent. Prochain lien. Ouais. c'est un lien de La Presse. Je suis dans des liens sûrs, cette chronique-ci. Des choses véritables. Oui, des choses véritables. On vient de le dire. Oui, c'est ça. Ben, il n'a pas compris que c'était le référent que je faisais. Là. Le blues secondaire, c'est le nom de l'article. Ah, ben Fred. Oui. Je suis ta chronique. Je lis pas les titres. Moi, j'ai pas le temps. Je lis juste les textes. Ça tourne les coins ronds comme au primaire avec les ciseaux à bourron. Donc, c'est... Donc, un article de La Presse qui fait un portrait de l'école du secondaire. Alors, des élèves du secondaire... aujourd'hui par rapport à 2001, 2000, 2001. Alors, leur motivation à l'école, c'est quoi qui a changé? C'est plutôt alarmant, mais je l'ai toujours dit que c'était mal fait, l'éducation secondaire. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui a changé, parce que pour vrai, la photo date de cette année et c'est les mêmes bureaux, les mêmes cahiers, les mêmes coffres à crayons, les mêmes feuilles, de la même couleur avec les mêmes crayons. C'est vrai. Je comprends pas. Il n'y a rien qui a changé des écoles. C'est quoi? C'est ça. Moi, je suis retourné à mon école secondaire il n'y a pas longtemps pour aller voir un professeur, aller jaser avec un professeur. Puis c'est effectivement, il n'y a rien qui change depuis le début. Sans, c'est les mêmes tableaux. C'est sûr qu'il y en a qui ont des tableaux électroniques. Oui, nous, on est rendu avec ça. Tableaux électroniques, tout ça. Ça intéresse un peu plus. C'est certains profs qui me disaient que pour beaucoup de cours, c'était utile. Ouais, ça je sais que moi, je l'ai vécu, les tableaux électroniques. Okay. Ah! Ouais. T'as 20 ans! J'ai 23. Moi aussi, j'ai jamais connu ça. T'as 23 ans. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je vais avoir 24. Hein? Quoi, nous, il faut croire qu'on avait un taux de décrochage assez élevé pour insérer ça. Donc, oh, c'est peut-être ça. Mais je me rappelle que pour les mathématiques, c'était fou. Là. On nous montrait, c'est hyper évident les calculs mathématiques pour tout ce qui était périmètre, nous placer ça ou nous mettre en contexte, juste visuellement comprendre à quoi ça servait. Oh, moi, c'est le cours d'histoire. Le cours d'histoire, c'était fantastique. On nous montrait des vidéos, on nous montrait des reportages. Des vidéos là-dessus, ça peut tout faire. Ah, ouais. Non, moi, j'ai connu les fameux tableaux verts, ça, j'ai connu ça, mais j'ai aussi connu le changement du tableau vert pour le tableau blanc à crayon effaçable. Ouais, c'est déjà une bonne étape de plus. Ouais, mais j'ai pas connu l'écran. C'était assez incroyable. On mettait, en tout cas, on faisait plein d'affaires avec ça. J'aimerais ça retourner à mon école primaire pour voir à quel point soit ça l'a changé ou soit... T'avais l'impression que c'était immense quand t'étais petit, mais finalement, c'est juste parce que t'étais petit. Proportionnellement. Vous passez il y a pas longtemps à côté de votre école primaire? Moi, j'ai passé il y a pas longtemps à côté de mon école primaire, puis j'ai réalisé à quel point ça ressemblait vraiment à une prison. Moi aussi! C'est parce qu'ils ont posé des barreaux dans les vitres parce que les gens enferraient de la drogue. Exactement! Ah, c'est ça. Il y a des barreaux dans les vitres, il y a des grillages partout. Il y a un des grillages qui est en train de tomber en haut. Un détecteur de métal. My God. Ah, c'est je comprenais pas. Parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment des détecteurs de métal dans les écoles. Primaire. Ben, peut-être pas primaire, mais. Mais bref, l'article que j'ai trouvé où on demandait spécifiquement aux élèves comment ils se ressentaient vis-à-vis leur école. Entre autres, une des statistiques que j'ai trouvées, 91% se sentaient en sécurité il y a 10 ans. Maintenant, c'est 60% qui se sentent en sécurité à l'école. On peut croire que c'est à cause de toute l'actualité et tout ça. Là, qui ressortent. En plus, il y a eu tout l'aspect intimidation, nous, au Québec, alors qui n'est pas nécessairement réglé. C'est pas facile. Je m'aurais posé une question, mais je pense que je l'aurais posée. une fois que tu le dis, c'est comme plate de pas dire. Pensez-vous, honnêtement, que ça va se régler, l'intimidation? Non, mais je pense qu'il y a des façons de réduire ça qui seraient très simples, mais que la le secondaire se complique la vie. Ouais. Là. Moi, je pense à mon école secondaire qu'il y avait une belle façon d'intégrer juste les secondaires 1, qui sont souvent ceux qui peuvent être victimes d'intimidation. Il y avait un secteur unique pour eux. C'est vrai, leur secteur était juste pour eux, ils pouvaient pas. Juste ça, c'est simple, mais il y a certaines écoles qui ont même pas ça. J'ai appris il y a pas longtemps que j'avais une de mes amies qui est allée dans une école secondaire qui était mixé avec secondaire 5 en secondaire 1. C'est dans mes hottes. En secondaire 1, c'est comme une intégration. Non, elle me disait que c'était pas cool parce qu'elle arrivait vraiment en secondaire 1 puis t'étais avec mixé avec tout le monde. C'est tellement différent parce que tu sais les émissions télé que tout le monde regarde, tu sais à VRAC TV et tout ça, on est habitué au système américain. Il me semble que le système américain a plus de sens à mon humble avis là, de tu sais le junior high puis le high school séparé en deux, tu sais. Ici, on n'a jamais vraiment eu ça de séparer plusieurs années ensemble. Moi, mon école secondaire, là... École anglophone, toi? Non, tout à fait normal. Je suis allée à l'académie Les Estacades. Ouais. Par contre, vu que j'étais pas en sport-études, automatiquement, secondaire 1 et secondaire 2 étaient dans un autre pavillon. Pareil comme le junior. Si t'étais pas en sport et du moment que t'étais en sport, t'étais à l'académie Les Estacades. Ouais. Mais par la suite, t'allais rejoindre à l'académie les secondaires 3. T'arrivais là, t'étais en secondaire 3. Mais par contre, tu connaissais pas le reste du monde. Ouais. Il y a du bon et du mauvais, ouais. Mais tout ça pour dire que l'idéologie de personne qui va être méchant avec personne, c'est inatteignable. Non, mais c'est désolée. Ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on parle d'intimidation et de cyber-intimidation. Il y en a toujours eu l'intimidation. Mais oui, c'est ça, il y avait toujours eu. On n'en parlait pas de même. Puis... C'est juste que là, en même temps, c'est extrême parce que médiatisé. Ça se retrouve maintenant. Oui, c'est médiatisé, ça se retrouve beaucoup sur les Facebook, ces choses-là, puis tout ça. Bref. 94% qui se disent fatigués. C'est triste, au secondaire. 60% il y a 10 ans. Ah ouais. Ah, mais ouais? Moi, je me rappelle qu'à mon école secondaire, c'était pas facile, tough une journée pour beaucoup. Là. On arrivait le matin. Mais moi, je trouvais toujours ça un peu illogique de mettre cours d'anglais. Tu sais, des cours qu'on peut considérer peut-être un peu plus lourds en après-midi. Mm-hmm. J'aurais tout mis ça, moi, le matin. Okay. J'aurais sacré ça en après-midi. Tout ce qui était éducation, théâtre. Ouais. C'est moi, je faisais du théâtre. Moi aussi. Mais l'école secondaire, c'est de quelle heure à quelle heure? Genre 8h30, je sais pas quoi, 3h30? C'est de 8 à 3h20. Ah ouais, 8. 8, tôt, et, 8 et 20 8, à 3h20. C'est l'enfant. 8h, c'est trop tôt. Ouais, ouais, 8h, ça n'a pas de bon sens. Non, mais maintenant qu'on est vieux, on le sait. Mais je pense que c'était 8h20 à 3h20, ça se peut-tu? Moi, je pense que c'était plus. Il me semble que ça commençait à 9h. Parce ça commençait à 9h les cours. Ta première période au secondaire qui durait 2 ans. Hey non, je pense que t'as raison parce que t'avais 3 périodes le matin, ouais. T'en avais 2 l'après-midi. Fait que 8 à 9, 9 à 10, 10 à. Non. Non, non, 9 à 10, 9 heures, 10 9 à 11, 11 à 12. Allez vérifier vos agendas. On 1 à 2, 2 à 3. Hey, on donne juste 2 sujets de fait. Passons au 3e. Antidépresseur. Hey, on s'ennuie de secondaire. Ben, on dirait de Gracie, votre discussion. Oui, non. Donc, oui, ben, on va passer vite dessus. En fait, c'était juste pour faire le lien que ma question, c'était où sont les populaires de secondaire? Et à date, c'est des statistiques sur les drogues, ouais. La presse qui s'alarme sur le fait que le secondaire, ben, c'est boboche, puis qu'il y a plein d'affaires qui marchent pas. Puis des antidépresseurs. Mais celui-là, c'est le lien, titre. C'est des antidépresseurs. Le titre est génial. La raison pour laquelle t'as trouvé ça, c'est que le titre est Les antidépresseurs, comment en gérer les effets secondaires. C'est drôle, hein? C'est pas vive Google. Je sais, mais j'ai mis tout pour ça. Puis en plus, j'ai regardé la photo au début. La photo, je pensais que ça avait rapport. Hein, en plus, ben moi aussi, vite, parce qu'elle a l'air d'une jeune fille de secondaire. Mais oui, ouais. Mais ça parle pas en tout du secondaire. Elle est plus vieille que ça, voyons, franchement. Ah, boire du café, elle doit être plus vieille que ça. Non, non, non, non. Vraiment, si on a ça. Ce serait non, pas... Mais non, mais non. Ah non, j'ai pas majeur. Hey, début d'université, ouais. Début d'université, parfait. Sois jamais Darman. Non, je sais. J'aimerais voir ta carte. Ensuite, j'ai sorti le palmarès des écoles secondaires, alors des meilleures écoles secondaires. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les premières positions? Je sais pas. Des écoles privées. J'avoue que ça a du sens, quand même, un peu. Oui, mais en même temps, la personne qui a fait les statistiques disait justement que qui a fait le palmarès disait que c'était logique de retrouver les écoles privées. Et en même temps, son argument fait du sens. Une école privée, bon, va aller faire, oui, de l'argent sur le dos du gouvernement, même si c'est privé, mais va aussi aller faire de l'argent avec les parents de ces fameux élèves. Et si ces élèves ne performent pas, ils ne garderont pas les élèves. C'est des parents qui sont extrêmement exigeants en général, qui envoient leurs enfants là et qui veulent une performance. Ouais. Donc, c'est logique de retrouver les écoles privées en première place. As-tu vu qu'il y a Trois-Rivières dans la liste? Oui, j'ai vu Trois-Rivières, mais je me rappelle plus quelle est la Kerana. Oui, c'est Kerana ça. Kerana en 10e place à 9,4 sur 10. Il y a aussi La Prairie, Montréal, Saint-Lambert, Montréal, Gatineau, Montréal, Montréal, Montréal, Montréal. Toi qui étais aux Estacan, t'entends-tu parler de Kerana? Non. Bon, à part non au basketball. Ah. Il était très fort au basket. Ben, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'ils les enfermaient. Je pensais que cette école-là, c'était une école fictive. Honnêtement, cette école fictive, elle n'existe pas. Plus jeune, je jouais au soccer, puis il y avait un terrain en arrière de l'école Kerana, puis c'est là qu'on jouait, mais à chaque fois que j'y arrivais, il n'y avait personne de l'école. C'est comme une école fantôme, Kerana, ben, à Trois-Rivières. Voyons donc. On n'est pas dans le palmarès des écoles publiques, Trois-Rivières, malheureusement. Non, c'est ça, je regardais, je suis comme, c'est triste. Ouais. Non, c'est bon. Je sais que mon école, il y a une année, est sortie dans une des pires écoles. Pourtant, je me sentais bien. Je m'en suis pas sorti. Là, je comprenais pas pourquoi. Je trouvais pas ça bien difficile. Ben, mais notre école, c'était drôle parce que notre école était considérée comme une école, ben, pas difficile, mais avec beaucoup de problèmes, disons, à régler. Mais que nous, on vivait pas de l'intérieur, pour être très honnête. On entendait parler, puis on trouvait ça drôle parce qu'on le vivait pas de l'intérieur. Okay. Et ça sortait vraiment dans les journaux des affaires. Oh, mon on Dieu, était c'est... juste. C'est en fait, mon école, c'est, ben, je peux le dire, c'était l'école Chavigny. Où que oui, ben là, oui! Aussi. Oh mon Dieu! Puis, l'école Chavigny, il y avait les résidences, ben pas les résidences, mais les quartiers juste en arrière. Mais c'était des quartiers qu'on voulait assez tranquilles, où c'était des gens qui étaient assez âgés qui pouvaient être là. Et à chaque fois, ça sortait dans la presse, dans le Nouvelliste, des histoires. Les jeunes vont fumer ou les jeunes se droguent dans les quartiers. En fait, c'est juste le coin fumeur, ils l'avaient déplacé proche. Les ceux qui allaient fumer, ben, ils fumaient là. Puis là, ben, il y en avait que c'était plein, c'était sorti dans les journaux. T'avais plein d'affaires qui sortaient qui étaient hallucinantes. Puis, quand je suis arrivé en secondaire 5, ils ont placé des résidences de personnes âgées juste en avant. Oui, c'est vrai. Fait qu'en ce moment, Chevigny est entouré de résidences de personnes âgées. Ils ont comme fait une prison de personnes âgées avec des jeunes au milieu. Fait que je trouve ça très drôle parce que... Non, mais ils vous regardent, c'est comme, c'est comme un zoo. Il y a une petite surveillance cantine. De quartier. Il y a une petite cantine qui vient voir. Johnny? Ouais. Tu connais Johnny? Il y avait ça dans mon temps. Il est encore là! Voyons donc! Il est pas mort encore! Hey, c'est cool ça! Il est là, il va du café aux personnes âgées qui prennent du café à côté des jeunes qui mangent leur sandwich. Ben non. C'est un peu hallucinant comme portrait, je vous dirais. Mais à ce qui paraît, ça va bien. Y a-t-il encore le petit kiosque à pizza, Chavigny? C'était bon ça? Non, ils ont plus le droit parce qu'ils ont tous sorti la malbouffe, même que Johnny avant, il était sur le terrain de Chavigny. Maintenant, il faut qu'il se tienne sur le terrain des résidences de personnes âgées. Voyons. Hey, ça me fascine tout ça, c'est cool. Oui, il n'y a plus le droit de. Mais c'est vrai, on entendait vraiment beaucoup d'histoires d'horreur de Chavigny. Hein. Ah oui, puis pourtant, pour avoir été. Moi, j'ai jamais vécu ça, moi. Ouais, c'est ça, c'était parce que c'est lui qui faisait le trouble, c'est pour ça que tranquille. Ça ne rendait pas compte. Voilà. Ben oui, tu sais, tuer deux personnes, c'est tout. Une bonne moyenne, quand même. Ah, ton prochain lien vient de Canal Vie. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai toujours un petit lien de Canal Vie qui sort dans mes chroniques. Ils sont bien référencés, il faut le dire. Oui. Un article sur l'arrivée à l'école secondaire, comment s'organiser, se préparer, comment minimiser son stress. Oui, fait que comment aider les jeunes secondaires. Moi, j'ai juste sorti parce que c'était... Je voulais qu'on parle d'intégration secondaire, mais on en a déjà parlé un peu. Ouais, c'est pas mal. Fait que c'est mais je l'ai mis. Ça peut être quand même intéressant pour les professeurs, entre autres. Je sais qu'il y a une grande branche de l'UQTR qui étudie pour devenir professeur. Mm-hmm. Ça peut être intéressant. C'est justement comment aider les jeunes secondaires à s'inclure et... à faire la transition du primaire au secondaire. Voilà. On cherche toujours son rendez-vous, les gens populaires du secondaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est important de le rappeler, ça. T'as juste trouvé un lien dans les 5 à 10, hein? 5 à 10, non, j'en ai deux liens. T'en as deux? Ah, excuse-moi, oui. T'as raison. Et... Le premier vient de l'Écomusée. Le musée d'histoire est le musée citoyen, voilà. Oui. C'est lui. Lui, je l'ai mis. On n'en parlera pas longtemps. Parce que si tu regardes la description, j'ai juste marqué un pas beau site. C'est un site qui est vraiment laid. Je suis pas un expert dans les sites, mais j'ai aucune idée. Le musée, c'est minimaliste. À moins que j'aille mal lu, mais je comprends pas. C'est quoi ce musée-là? Musée d'histoire et musée citoyen secondaire. Ok, c'est sûrement des jeunes secondaires qui peuvent aller à ce musée-là. Hein. Ouais, ça doit parce qu'il y a comme le logo du gouvernement du Québec bas avec culture et communication. C'est un musée d'histoire industrielle et ouvrière de Montréal et un musée citoyen reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est aux sciences des arts de Montréal. Oui. Ben voilà. C'est dit. En fait, c'est le Centre des arts de Montréal. Ouais, exactement. C'est le Centre des arts de Montréal. C'est le Centre des arts de Montréal. Ah. Eh ben. Finalement, on te l'a bien expliqué. Vraiment un site. Ouais, bon. Merci de nous faire faire ta granique, Fred Bernard. Ah, ça fait plaisir, vous êtes là pour ça. Mais finalement... Ça va pas bien, ton gadget, toi. Hein? Ça va pas bien, tes gadgets. Non, c'est ça va pas bien. Il y a une tablette Samsung puis un téléphone LG, puis il y en a pas un des deux qui marche. Hein, mais oui, mais les deux, tout à l'heure, je suis en train de faire la transition entre les deux. Ça va super bien. Ah, bon, ben j'ai ma tablette qui me lâche. Fait que... Ah, le mal de tête qui rembarque... Donc, le prochain lien. Alors, le prochain lien, en fait, lui, je le trouve vraiment intéressant. C'est plus une sorte de blog. C'est vraiment très bon, en plus. Oui. À la base, c'est un magazine Urbania. Mais c'est très... C'est ça, mais c'est de la façon que l'article est écrit, c'est comme une sorte de blog, on dirait. Écrit en franc-parler, on jase. Ouais. En fait, c'est un gars qui dit les 14 cours qu'on aurait dû avoir au secondaire. Fait que c'est cours qu'on n'a pas eu, qu'on aurait dû avoir. Vite, on peut passer à un cours qu'on n'arrête pas de demander qu'il revienne, c'est le cours d'économie. C'est logique. Savoir comment vivre, correctement. C'est vrai que ça n'aurait jamais été enlevé, je pense. Ouais. Là, il hésite à enlever le cours d'éthique pour remettre le cours d'économie, mais enlever le cours d'éthique, fait que là, tu vas te retrouver avec des économes qui n'auront pas d'éthique. J'aime beaucoup le cours TDC 506, flairer les trous de cul, les hosties de folles. Hey, wow, le langage! Si on les promène rapidement, en fait, c'est que le gars fait vraiment... En fait, on va retrouver beaucoup de trucs qu'on aurait peut-être aimé avoir au secondaire. Par exemple, moi, celui qui, pour moi, me touchait, c'est le bal définissant. Pourquoi ce n'est pas le bout de la marde que ça? Très famé. C'est vrai, hein? Rencontrer la belle famille aussi. J'aime ça rencontrer la belle famille. Tu sais, le bal définissant, c'était pas si... Hey, on voulait tous que notre bal définissant soit incroyable. Puis sérieusement, moi, mon bal définissant a été pourri. On dépense bien trop d'argent là-dedans. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ma mère a utilisé ma robe de bal comme costume d'Halloween. OK. Quand même, hein? La fille, elle a payé comme 1000 quelques piastres, mais... encore là. 1004 piastres. Je vois. C'est parce que c'est important dans la vie d'une fille, un bal. T'as-tu dépensé 1000 pièces pour ta robe, tout le monde? Non, je suis pas si de luxe que ça. En fait, je suis pas allé à mon bal. Ça défait. Ben, j'ai failli ne pas y aller. Ouais, c'est ça. Alors, on a une trace de ma question. La réputation secondaire, pas si importante. Ah. Oh, oh, mm-hmm. Ça, c'est le cool rep 203. Ouais. Eh oui. La liberté au cégep, ce piège, ça, c'était intéressant. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Lire ça que... OK, je vais vous le lire parce que je trouvais ça drôle. Hey, on tombe tous dans le piège. Si surveillé au secondaire, si ignoré au cégep, tu skippes tes cours, c'est le festival de l'indifférence, personne ne va parler à maman pour l'aviser. La liberté, c'est dangereux quand tu vis chez tes parents, pas de bill, que le cégep te coûte genre 127 piastres, pas par session et que tu vis dans les bars, cours de philo un vendredi matin à 8h, yeah, right. Sauf que si tu veux pas être pris pour rentrer en communication à l'université, il faudrait quand même t'aider des notes respectables. Entre parenthèses, high five aux gens de com. Tellement. Wow, c'est bien tout ça. C'est vrai. Pour avoir fait une session en com, ils n'ont pas toute l'air de gens qui ont échoué au cégep. Même qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas échoué au cégep, là. J'ai zéro échoué au cégep. Ben, je suis pas en com non plus, c'est là, ça. Mais... mais t'as fait quand même une branche de com. En tout cas, ouais. On parlera pas de com, là. C'est un stéréotype. Mais ça, c'est... ouais, c'est vraiment un stéréotype de dire que tous les gens en com, c'est parce qu'ils étaient pas bons à l'école. Oui. C'est pas vrai. L'autre stéréotype, c'est que les gens en com finissent par pas se placer dans leur domaine. Aussi, ça, c'est pas vrai. C'est moi, un stéréotype. Ah, en tout cas... Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai fait ma première session en com, c'est à quel point c'est stressant comme milieu. Ouais, c'est des gens qui doivent contrôler leur stress, c'est assez fou. Mmh. Connaître sa limite éthylique. Le cours de connaître sa limite éthylique. Une bonne chose, hein? Ça. Mais ben oui. Si on pouvait avoir ça, mais on n'a pas ça. Les shooters, connaître l'ennemi. Alors, ces fameux shooters, les sucrés, ceux qui te tapent par derrière, ceux qui sont traîtres, ceux que tu te dis, ben, il peut ben en passer 5, ça me fera rien. Écrit par un grand alcoolique, cet article-là. Oui, oui, de ce qu'on comprend. J'aime bien ce qu'il décrit, ceux qui goûtent dans la gueule pour tout le reste de la veillée. Ah. Comprenez-vous quand je vous disais, écrit genre comme un blog? Oui, genre, c'est pas pire, ouais. Ouais. Gérer un budget, flairer les trous de cul, les hosties de folles. Fait que c'est plein de petits cours hey, comme votre ça. Votre langage à matin, censurez-vous donc un minimum. Non, mais c'est vraiment ça qui est écrit, c'est le cours. Mais je m'en fous. Mais on ne fait que ce qu'il y a à partir, mais ouais, c'est ça. Mais ça excuse tout ça. Barbecue 481, être un gars, cours de base pour stéréotypes. C'est drôle, je le... Bref, c'est un site vraiment cocasse. Je vous invite à aller le lire. Je pense. Le site, lui, est assez bien fait. Oui, Urbania, c'est super bien fait. Oui. On passe au résultat 10 à 20. 10 la question étant toujours, bien sûr, sur Google, où sont les populaires du secondaire? Oui, et là, je vous propose de vous injecter des cosmétiques. Ah, bonne idée. Ah, ben oui. Par où? Rien. Hey. Ça a l'air d'être partout. En fait, ça parle des dangers de s'injecter des cosmétiques. Moi, je pensais pas... Ben, en fait... Le dire, tiens, mettons qu'on injectait du Botox, on dirait que je l'accepte dans un cas, mais un peu plus que injecter des cosmétiques. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait vraiment. Surtout la photo. Ah, la photo! Excuse-moi! On dirait qu'elle lui met ça dans l'œil. Ben, c'est une aiguille sur le bord de l'œil, juste en haut du nez, ouais. Ah, je trouve ça affreux, là. Injecter ça. De l'arcade sourcilière. À l'arcade sourcilière. Il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup de. Je sais qu'en Corée du Sud, entre autres, il y a une mode que c'est de se refaire les yeux. Ah oui? Oui, ils se refont les yeux pour les agrandir. Pour avoir l'air nord-américain ou européen. J'ai vu ça, ouais. C'est assez traumatisant. Puis un des problèmes qu'ils ont en Corée du Sud, c'est qu'il y a certaines cliniques qui font ça indépendamment parce que ça coûte assez cher. Il y a certaines cliniques qui disent qu'ils le font pour pas beaucoup d'argent et c'est très populaire chez les jeunes filles. Oui, ah. Parce que les jeunes filles veulent ressembler aux jeunes nord-américaines. Puis ce qui est dangereux là-dedans, c'est qu'un des cadeaux les plus populaires pour les anniversaires de ces jeunes filles-là... C'est ça? Des parents, c'est ça. Ah. C'est un des cadeaux les plus populaires et on parle de filles de 12 à 15 ans. Hey, hein? Hein? C'est pour refaire les yeux. Avez-vous vu les effets indésirables que ça peut apporter? Les effets sur la santé. Fais-toi plaisir. Douleur, contusion, rougeur, inflammation, nodules, abcès, infection, décoloration de la peau, réaction allergique, mauvais placement du matériel. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, surtout si tu vas dans des places que tu dis qui coûtent pas cher. Ouais. Le contrôle de la qualité est moins là, peut-être. Surtout qu'il y en a plein, là. Ça ressort aussi au Québec, des endroits qui disent « Ah, je te fais ça pour pas cher. » Tu peux avoir des inflammations des yeux. Oui, paralysie du visage. Ah ben oui! Faiblesse musculaire localisée. Tu sais, t'es plus capable de lever ton sourcil, fait que ça fait... Difficulté à parler, difficulté à avaler, difficulté à respirer, tu sais. Pourquoi pas? Malaise cardiaque, rien de moins. Pneumonie. Il y en a plein. Qui a dit qu'il fallait souffrir pour être belle ou beau? Et voilà. Et voilà. Ma grand-mère le dit. Comment devenir populaire à l'école secondaire? Oh, ah, j'ai bégayé là-dessus. Ah, ah, ça, ah, ça y est. Ah. Hein, on se rapproche. Ouais. Sauf que c'est cucu. On voit que c'est vraiment n'importe quoi. Check le numéro 1. On voit que la personne qui a écrit ça au secondaire était pas mal. Bon, en tout cas. mais c'est parce que, dans le fond, je vous lis ça. En fait, on se retrouve sur Wiki. WikiHow, notre ami. On ne se retrouve pas sur WikiHow. On se retrouve sur commentwiki.com, comment ce qui wiki. Est un soi-disant oui. équivalent, mais qui est clairement pas fait par la même gang. C'est bien imité, parce que je oui. me suis fait prendre au jeu aussi. Je viens de le remarquer au moment où tu l'as dit. C'est moins beau, puis c'est moins bien écrit. Mm. C'est fait par n'importe qui, j'ai l'impression. Mais bon, pas grave, hein? Ça peut être des bonnes informations quand même. Ah, je savais pas que... Oui. Vas-y, ouais. J'expliquerai okay. bon, après. Bon, je vais rapidement. Alors, ce qu'ils nous proposent pour être populaire au secondaire, alors qu'on pourrait donner à nos enfants, parce que pour nous, il est trop tard. Ah. Soyez gentils et chaleureux à tout le monde. As-tu vu le premier sous-point de soyez gentils et chaleureux? Obtenez avec bonne foule. C'est vraiment oui. mal traduit. Obtenez avec bonne foule. Mais oui, clairement. Tout le monde sait qu'il faut obtenir avec bonne foule. Parce que quand tu obtiens avec mauvaise foule, sur foule, c'est ça. Non, sur mais ça vient clairement de go with the crowd. Oui. Trouver deux ou trois amis proches de toujours accrocher avec. Oui. Bien sûr, de toujours accrocher avec. Mais oui. Ouais. Garder une bonne réputation avec vos professeurs. Aussi. Virgule. Ouais. Ça fait les chutes bottes. Hein? Explorer datation si oui. vous vous sentez prêt. Explore dating. C'est comme, c'est clairement une la datation. La datation. Oui. Faut que tu regardes les dates. C'est ça. Attention le calendrier. Est-ce que tu datationnes à soir, Tania? Non, est-ce non. Tu des cours de datation? Je datationne pas. As-tu mis ton petit chapeau là, avec l'embout du qui va sur ton le bourron là, du. Là. Je parle d'un casse de bain, mais ça répète un condom. J'essaie de faire un genre de parallèle. My God. C'est raté. Moi, je cherchais le lien avec le calendrier. Ouais. Ben oui. Travaillez dur tous les matins avant l'école pour travailler sur vos regards parfaits. Ah! On dit, j'ai l'impression d'avoir comme ouvert un biscuit chinois. C'est ça, nos chiffres chanceux sont 21, 17. Mais on dirait vraiment des mangas en plus. Ouais. Mais oui. Bref, c'est un peu mal écrit, c'est un peu tout bas. Je trouvais ça très drôle. Vraiment, très mauvais site. Commentwiki.com, là, affreux. Ne pas être snob et ne soyez pas timide. Aha! Des bons conseils. Clairement. Mm-hmm. Prochain lien. Oui. Perspective d'avenir pour les Anglo au Québec. Là, j'ai pleuré un petit peu. Alors, parce que, bon, c'est assez bien fait pour ceux qui veulent savoir les perspectives d'avenir pour leur emploi qui visent ou au moins pour leur domaine d'emploi. C'est marqué selon le revenu annuel moyen de ces emplois-là et ils sont classés selon très favorable, favorable ou pas du tout favorable. Par l'actualité, donc ça, c'est une bonne source. Par l'actualité, oui. Bon, sur ce, je vais vraiment retourner à l'école. Bon, dans les très favorables, on retrouve médecin spécialiste en premier. Merci. 172 000 $. Beaucoup. Ouais. Hein? On retrouve tous les métiers de la médecine, alors dentiste, chirurgien, tout ça. Des pharmacien quand même, ouais. Ça me surprend, c'est ouais. payant. Ouais. Ben oui, mais pharmacien, oui. 114 000. Oui, c'est dur d'être pharmacien. Mm. Hein? Puis, en tout cas, c'est tous des métiers facilement accessibles. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. Technologue en radiation médicale. Je sais pas si c'est une technicien en radiographie ou si c'est technologue, en tout cas. Bref, pourquoi moi où j'ai pleuré? Moi, j'ai une formation de technicien en santé animale et je suis quatrième avant-dernier. Ah, ok, oui, c'est avec, vrai. Je pense, 20 000 et 4 plus loin, on retrouve commis d'épicerie. Yay! Donc, ouais. Voilà, tu sais. T'es quand même dans les favorables, là. C'est marqué emploi et perspective favorable. Ben oui. En tout cas, je vais leur tenir, là, mais... Le tableau divisé en vert, jaune et rouge, c'est vraiment au fond. Mais oui, ce métier-là a juste pas de maudit bon sens. La tranche d'âge est en moyenne de 20 à 30 ans. En moyenne, parce qu'ils gardent pas, parce que personne n'est assez payé pour la job qu'on fait là-dedans. Ouais. C'est hyper dur comme métier. T'es pas payé, t'as des conditions qui n'ont pas de bon sens. Puis là, on surprend que ceux qui sont là-dedans ont pas d'expérience. Ben là! C'était ma côté frustration. Wake up. Quand même. Wake up! Est-ce que vous saviez qu'un boucher gagne moins cher qu'un vendeur? Hein? Ah ouais. Ah. Ça, j'avais pas vu ça. De 1 000 $, mais quand même. Mais un vendeur en général? Ouais, voilà. Ouais. Dans le commis de magasin. C'est quoi un teneur de livres? Comment? C'est quoi un teneur de livres? Ben, c'est une petite. Pour non, je pense que ça doit être pour la finance, le livre Ah oui, finances. Ok, oui, ça doit être ça. Ça doit être un technicien financier, en fait. Ah là, ils ne vendent pas des affaires. Ben, j'y arrive on parle à travers notre chapeau en disant ça. Fait que... ouais, c'est ça. Non, un conseiller financier. Ça doit pas être la même chose, sinon ça serait marqué... conseiller financier. Il me semble que je l'ai vu conseiller financier, puis c'est pas le même salaire. Non, ouais, c'est ça. Me semblait bien aussi que mon conseiller financier... Ah, de poser des questions, là, on connaît pas les réponses. Petit site intéressant si vous voulez soit déprimer, soit vous rassurer pour ceux qui étudient en podiatrie. prochain lien, des Wake Up, connaissez-vous ça? Moi, je connaissais pas ça. C'est pas les petites pilules de caféine qu'on avale exact. Pour... Exact, okay. Je connaissais pas ça, des Wake Up, mais je trouve ça assez alarmant, les gens qui prennent ça, surtout les étudiants, très populaires chez les étudiants, des petites capsules qui vont aider pour les fins de session, alors étudier, t'as fait les fins de session. Tania est due pour ça, je pense. Ouais, clairement. T'es 8 chapitres de lecture d'ici la semaine prochaine. Mais 8 chapitres d'ici mercredi prochain, wow. Je pense que je vais en prendre 2-3 ce soir. Mais c'est extrêmement populaire et extrêmement nocif. Ouais. Je trouve ça intéressant d'avoir lu là-dessus parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps où il parlait de ça, mais au niveau militaire. Alors, les militaires américains qui utilisent beaucoup de Wake Up, ces choses-là. Au début, ils utilisaient à base de caféine, mais il y a peu, ils ont trouvé de nouvelles substances où ça dure beaucoup plus longtemps, où il y a certains militaires, entre autres des snipers, alors ceux qui sont chargés du snipe ou de la protection, qui prennent certaines pilules qui leur permettent de rester éveillés, conscients et concentrés pendant plus de 48 heures. Finalement, c'est plus un mix-up de 48 heures. Plus de 48 heures. C'est fou, là. Finalement, c'est un mix-up de Red Bull et de café. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, on parle de pilules vraiment et intenses. Les autres qui vont utiliser ça, c'est ceux qui utilisent la vie, ceux qui sont des pilotes. De l'air. Là, on parle de chez les Américains, mais chez les Canadiens aussi, c'est assez populaire, ces petites pilules-là, chez les pilotes de l'air, pour rester concentrés en haute altitude. Ça cause des problèmes de dépression, des problèmes au niveau du corps, ça cause des problèmes de maladie. C'est extrêmement nocif. Mais je vais surtout mentionner aussi qu'il y a comme l'étude de ces fameuses pilules-là, qui est, parce qu'en fait, ton article vient de l'Hebdo Journal, qui est fait au département de sciences de la santé du cégep de Trois-Rivières. L'article est vraiment découlé de Trois-Rivières, puis c'est eux qui analysent tout ça. Cool. Si vous lisez, moi, je l'ai lu en diagonale, mais il en parle vraiment de toutes les problématiques qu'il pourrait avoir là-dedans. Il explique bien c'est quoi. Bref, allez lire là-dessus si vous voulez pas vous empoisonner puis trouver d'autres astuces pour rester réveillé. C'est ça. Puis on mentionne même les noms de produits comme le Midol que les gens achètent dans l'article. Ouais. Donc, prenez pas du Midol. Midol. Du Midol. Ouais. Hey. 20 à 30, toujours la question, où sont les populaires du secondaire? On pose ça dans Google Globe. Oui, Soft Poke. Oui, c'est une espèce de cahier, c'est des collants qui se mettent dans un cahier. C'est pas trop compris c'est quoi, mais je crois que ça ressemblait vraiment à du... Ouais, mais je comprends pas l'utilité. Ben ouais, mais c'est ça, les jeunes aiment ça, les collants. Mais je pense que c'est des collants dans ton cahier, puis t'écris dessus, ça fait genre bloc-notes. En tout cas... C'est en trois dimensions, auto-adhésif. Ça dit parfait pour votre prochain projet. Je trouvais ça vraiment quétaine. Projet de quoi? Je voulais vous partager. Du projet de quoi? C'est juste ton agenda, j'imagine. Peut-être. Soft-spoken. Je tiens à dire qu'il y a des autocollants 3D de 20. Donc, si jamais vous appréciez, vous pouvez aller mettre ça dans votre agenda. Ah ben oui. Il y en a aussi sur la bière. Il y en a sûrement des pour adultes là-dedans un peu le plus. Parce que t'as une collection complète, tu vois, sur la bière. Tu veux dire des petites pin-ups semi-habillées? Peut-être, ouais, c'est ça. T'en as plein, t'en as sur le cinéma, t'as des popcorn. Ouais, c'est cool. Ben, c'est pas cool du tout, en fait. Ouais, c'est ça. Oh, il y a des autocollants de soccer, messieurs, si jamais ça vous tombe. Aïe, aïe. Il nous reste un dernier dans les 30 à 40. Le dernier, je vais passer vite dessus. En fait, c'est un livre. Alors, c'est un professeur qui fait l'analyse de l'école d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, si ça vous intéresse, que vous êtes professeur, que vous voulez avoir une analyse éclairée de l'école et de la situation scolaire en ce moment, vous rendre compte à quel point les professeurs ne sont pas choyés, à quel point les étudiants ne sont pas choyés et à quel point le gouvernement augmente les médecins spécialistes, ben allez voir cet article-là. Voilà. Et les liens sont sur assemblagerequis.com. Oui. Simple comme ça. Et puis, on va te retrouver la semaine prochaine avec une autre chronique Google Globe. Oui, avec une autre question. La semaine prochaine, je serai toujours là. Tempête, pas tempête. J'espère bien. Les mercredis à 8h30. Ça, 9h. Je ne sais plus. Attends, 8h. Ouais, ça, c'est genre 8h30. Oui. Genre. Oui. On finit par perdre le fil du temps. Avec disons 8h40. Mettons. Après la chronique de Sébastien F. Gartin. Tu as compris ça? Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Bernard. Nous, il nous reste encore un petit peu de temps. avant que l'émission soit complétée, qu'on puisse faire un crochet là-dessus. Donc, on a le temps pour aller entendre une autre pièce. Et Tania, oui? J'ai envie de te faire entendre quelque chose. Ah ouais? Qu'on entend moins souvent que d'autres. Qu'on entend moins souvent que d'autres. Quelque chose qu'on n'entend pas tout le temps. Qu'on n'entend pas tout le temps. Quelque chose de bon. OK. Ça te tente-tu? Ben oui, mais j'ai hâte de voir ce que moi aussi, j'ai hâte de voir ce que je vais sortir. J'ai l'impression qu'on joue tout le temps les mêmes affaires, mais quand je regarde ça, on les a toutes pas mal jouées les dernières semaines. Mais je te dirais qu'on entend moins souvent la pièce Interior Light. C'est vrai? Un petit peu moins souvent. C'est bien vrai. C'est bien vrai, ça. De qui nous provient cette pièce? Young Rival. Bien sûr. Franchement, tu m'enlèves les mots de la bouche, Tania Baudin. Donc voici Interior Light, Young Rival. À l'Assemblage de l'équipe, après ça, l'émission se conclura sur une haute note. Interior Light par Young Rival à Assemblage Requis. C'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. Déjà? Oui. On a eu du plaisir style, genre. Style, genre? Aujourd'hui, je te dirais comme du fun semi, mettons. Oui. C'était pas mal amusant. Donc, on remercie Sébastien F. Gartin, qui est allé à 8h pour sa chronique Bulletin Gartin. À 8h30, Frédéric Bernard, qu'on a eu avec son Google Globe. C'est tout pour eux. C'est tout. Demain, on sera jeudi et notre seule chronique du jour, le jeudi, en ce moment, c'est une grosse pointe tendresse. Donc, on va goûter ça. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser sans avoir à craindre rien. Ouais. On va manger du fast-food, de la malbouffe. Donc, c'est demain à 8h30. Évidemment, tu vas être là, Tania? Définitivement. Avec ta chronique, Tania is gonna entertain you. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, à 11h, on aura Danny Janvier avec son dîner de con. Ensuite, en après-midi, à 15h, le Mathieu Planchon. C'est moi qui serai de retour avec cette émission fabuleuse. À 17h, Audiomatique avec de la musique électronique. Et à 20h, Radiosonic avec de la musique variée. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Encore une fois, merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu. À demain, 6h30. À demain, 6h30. Et on se quitte avec une pièce de paupières. Oh! 5 heures. 5 heures. Bonne journée. Bonne journée. Bon café. Mmh.